Quand on fait l'amour. Les préliminaires, ce sera demain à 15h en direct avec vous sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Là, pas de préliminaires, on y va direct. Je vous embrasse et je vous dis à demain. RTL, il est 16h. C'est à vous, Céline Landreau, pour les infos. Bernard Tapie va devoir rembourser. La Cour de cassation a validé l'annulation de l'arbitrage dans l'affaire Crédit Lyonnais. 404 millions d'euros avaient été accordés à l'homme d'affaires pour régler le litige avec la banque. Nouveau revers juridique donc pour Bernard Tapie dans ce conflit vieux de plus de 20 ans. Pierre Gattaz, reçu à Matignon cet après-midi par Manuel Valls et Myriam El Khomri pour discuter de la loi travail. Le texte est actuellement en commission à l'Assemblée et l'article 49.3 dans toutes les têtes. Les consultations entamées hier avec les syndicats opposés au texte n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Les opposants annoncent d'ailleurs une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, le 5 juillet. Le GIGN vient d'arriver à la prison d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Un détenu récidiviste y a pris en otage un psychiatre en fin de matinée. Selon les dernières nouvelles d'Alsace, il réclame l'autorisation d'aller sur la tombe de son père et n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà retenu en otage un autre psychologue et deux surveillants dans deux établissements précédents. Au Royaume-Uni, Boris Johnson ne sera pas le futur Premier ministre. L'ex-maire de Londres, chef de file du camp pro-Brexit, a annoncé aujourd'hui qu'il ne sera pas candidat pour succéder à David Cameron, démissionnaire, et qui cédera sa place à l'automne. Samuel Umtiti quitte l'Olympique Lyonnais pour le FC Barcelone. Le défenseur des Bleus qui dispute actuellement l'Euro avec l'équipe de France sera catalan la saison prochaine. D'ici là, il pourrait bien être titulaire dimanche avec l'équipe de France pour pallier l'absence d'Adil Rami, suspendu. Avant cela, première affiche ce soir de ses quarts de finale de l'Euro. La Pologne affronte le Portugal à Marseille, coup d'envoi à 21h. Et c'est le moment maintenant de votre rendez-vous pronostic avec Thibaut Geffrotin. Bonjour à tous, on joue avec ce premier quart de finale Pologne-Portugal. Voici les cotes: 2,41 pour la victoire portugaise, 3,05 pour le match nul et 3,70 pour un succès polonais. Les cotes sont sujettes à évolution et un homme au cœur de l'attention ce soir, Cristiano Ronaldo. En match de poule comme en huitième de finale, tous les buts décisifs du Portugal ont été à son origine. Face à la Hongrie, Cristiano Ronaldo a non seulement réussi une splendide talonnade, mais il est aussi entré dans l'histoire en devenant le premier footballeur à inscrire un but dans 4 championnats d'Europe différents. En huitième de finale, il a encore été décisif en provoquant le but vainqueur de Quaresma. Ce soir, il peut atteindre un nouveau record s'il marque. Il égalera Michel Platini en tête des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro. Ronaldo devra trouver les solutions face à une excellente défense polonaise qui n'a encaissé qu'un seul but en 4 matchs. Prochain rendez-vous pronostic à 17h. À tout à l'heure. Merci Thibaut, à tout à l'heure. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Le temps, demain encore bien maussade dans le nord et l'ouest avec des averses et quelques trouées dans l'après-midi. Sur le reste du pays, le ciel sera variable, plus instable en fin d'après-midi sur le relief avec des averses et une tendance orageuse. Les températures de 12 à 21 degrés demain matin, de 17 à 33 l'après-midi de Cherbourg à Nîmes. Comptez 21 degrés à Lille, 22 à Paris, 25 à Bordeaux, 27 degrés à Strasbourg et 30 à Perpignan. Les courses à Vichy cet après-midi et les yeux de Bernard Glass pour les suivre. Tout à fait, avec un rappel, Céline, de l'arrivée du quintet qui était la troisième épreuve, le numéro plus 1671 et la bonne combinaison, le 13, le 7, le 4, le 16 et le 9, un quintet de chevaux en vue que je vous indiquais. Arrivée de la cinquième épreuve, victoire du 12 Visconti de 10 et 1,30 devant le 3 Tristan des Logos de 30 placés, le 16 Voélan de 70, quatrième le 11, cinquième le 15, c'était un pic 5, 12, 3, 16, 11 et 15 et puis la sixième a vu le succès du 4 Cowboy du Guéret, 3,80 et 1,80 devant le 2 Chanel de Saga, 12-20 placés, le 10 Castarossa qui rapporte 2-20 placés, 4e place pour le 9, 4-2-19, la 6e, la suite des arrivées dans un peu plus d'une heure. Merci Bernard, à tout à l'heure. Il est 16h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL et tout de suite vous retrouvez Laurent Ruquier et ses grosses têtes. RTL. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui aime bien que je la chouchoute mais qui a du mal à me le rappeler, Isabelle Mergaud. Une grosse tête qui n'a pas son pareil dans le monde de la réplique, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête incollable ici et indécollable de son fauteuil pendant les matchs à la maison, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui n'a pas repris le cabinet de gynécologie de son père, mais qui a fait son trou quand même, Fabrice Eboué. Une grosse tête footballeur à Orléans et qu'on a appelé pour bouter les Anglais hors de France, Pierre Boubi. Bonjour à tous. Et enfin, une grosse tête que vous entendrez tout l'été aux côtés de Bruno Guillon dans le grand quiz de l'été, tous les matins de 9h15 à 11h. Elle sera là tous les jours pour vous, Caroline Diamant sur RTL. Bonjour. Il paraît que les audiences sont déjà très bonnes. Ouais. Non, mais ce qui est formidable, c'est que vous allez enfin pouvoir poser des questions, Caroline. Oui, vous imaginez, c'est-à-dire que j'aurai forcément les réponses, j'ai toutes les listes de réponses. Non, je suis très content parce que les gens vont gagner de l'argent ou des séjours, des voyages. Et puis voilà, j'annoncerai que des bonnes nouvelles, donc c'est sympathique. Ah, c'est vous qui allez faire speakerine, en fait. Je vais faire un peu... oui, je vais faire... si vous voulez, c'est... Je vais animer. Oh, tu vas continuer à faire connasse, quoi. Bah, j'osais pas le dire parce que je me dis que peut-être les gens du matin ne savent pas encore à quel point je suis con. Oh, ils se rendent compte. Qu'ils attendent le 11 juillet pour découvrir. Ouais, ils vont s'en rendre compte, t'inquiète. Tout l'été, je vais vous écouter, hein, tous les matins. Ah, moi aussi, ah, oui. Ah non, mais c'est vrai. Ah, oui. C'est vous appelez pas sous des voix masquées pour jouer. Hein. Oh oui, on va faire ça. Ah oui, on va appeler. On va appeler. Tu ne pourrais pas, toi. Non, mais c'est vrai, on vous appellera, on jouera, vous voyez. Oh, faudra répondre à 10 questions d'affilée. Je suis pas sûr que vous puissiez gagner pour les 1000 euros. Et il est sympa, Bruno Guillon. Il est très charmant. Plus sympa que moi. Je le connais pas aussi bien que vous. Puis c'est pas mon patron. Ah, parce que moi, vous considérez que je suis votre patron. Bah, c'est-à-dire que tant qu'on a un micro devant nous, vous êtes mon patron. Quand il y a plus de micro, nous sommes des êtres humains à part entière. On appelle plus ça un patron, normalement. Quoi? On appelle plus ça un patron quand il y a plus de micro devant et que c'est autre chose. Il a raison, Boubi. C'est pas vrai. Ça peut continuer d'être un patron. Hein. Comment ça va, monsieur le footballeur, d'ailleurs? Ça va très bien. L'Euro 2016 est bon. Ouais, je suis tellement sur la route que je vois pas un match, mais sinon ça va. Ah, c'est vrai, comment ça se fait que vous voyez pas les matchs? Non, parce que je suis tout le temps en vadrouille. Vous sillonnez la France, en fait. Ouais, bah, surtout Paris, ouais. Avec votre épouse. Voilà, on est en... Les enfants. Non, pas les enfants. Mais les enfants. Tu cherches un club? Prenez-moi, s'il vous plaît. Bah, il jouera à Orléans l'année prochaine. On ira le voir à Orléans. Hein. Il est nouveau dans l'équipe, là. Ah bah, ça fait déjà la cinquième fois qu'il vient, Fabrice. Ah, mais renseigne-toi, Fabrice, à un moment. Parce non, que... mais Laurent, vous me faites venir sur RTL en me disant ce sera plus intellectuel, vous mettez des footballeurs dans l'équipe. Oui, voilà, il trouve des réponses parfois. Parfois. Sur les gens qui sont pas morts, généralement. Parce que j'ai un peu de mal avec les académiciens des années 1700, moi. Ouais, nous, on te rassure, nous aussi. Hein. Voici une première question. Ne cherchez pas Pierre Boubi, vous ne trouverez pas. C'est sympa. C'est pour Alexis Bonouvrier, qui habite Poitiers, dans la Vienne, qui a dit « Quand un homme et une femme se marient, ils ne font plus qu'un, mais le plus dur, c'est de savoir lequel. » Guitry. Non. C'est... Woody Allen. Non. C'est français. Ce n'est pas français. C'est un Anglais qui a dit ça. C'est un Américain. Alors, ça vient du Royaume-Uni, en tout cas. Voilà. Alors, Churchill. Non, Chaplin. Non. Un comique. Oh, quelqu'un qui avait de l'humour, en tout cas. Lord Byron. Non. Winston Churchill. Winston Churchill. J'ai dit, t'écoutes quand je parle. Oui, mais t'as dit Churchill. Non, c'est pas le même mot, en même temps. Même mot. Dans la même collection, notez bien pour vous, Isabelle. Javanais. Attendez, qu'est-ce que c'est pas prononcé. C'est quelqu'un en chez. En chez ou en jet. Elle sait pas les gilles. Jacques Chirac. C'est un John quelque chose? John, non. Mais c'est un auteur. Un auteur, oui, bien sûr. Mark Twain. Non, bah non, Mark Twain, elle sait le dire. Jacques Loric. Non. Hugo Chavez. C'est très dur à trouver. C'est très comme dur, ça. Oui. Je connais la citation, je connais l'auteur. Shakespeare. Mais non, c'est pas Shakespeare. Il est mort depuis très longtemps. Oh, il est mort en 1950 et il avait 94 ans quand il est mort, quand même. Waouh. Est-ce que c'était devenu un sœur? Il a été prix Nobel de littérature en 1925. Ouais, mais jette l'éponge, moi. Écrivain, dramaturge. Pourquoi vous avez dit en Royaume-Uni? Ça veut dire qu'il est peut-être écossais ou irlandais? Exact. Plutôt irlandais? Plutôt irlandais. Ah. Bon, est-ce que c'est un Mac quelque chose? Mac... Non. Il est rouquin? Oh, le footballeur. Ah, bah, ça y est, il est comme bravo, lui. D'accord. Donc, toi, t'as ton avis. Je pars dans le cliché, faut qu'on soit direct dans le truc. Comme vous n'aimez pas les rouquins? Ah, si, si, j'aime bien. Ah oui? De loin. Que la vie n'est pas un album Panini, t'es au courant. Hein. Attendez. Mais écoutez, un Irlandais, c'est là, il n'y en a pas 10 000 quand même. Mais oui, quand même. Ah bon? Roy Keane. Comment? Roy Keane. Ah, mais non, mais pas un footballeur. Attendez. Ah, c'est l'entraîneur de l'équipe d'Irlande, c'est ça. Oui, comme je m'y connais, moi, en football. Je sais que vous connaissez bien. Shetland. Qu'est-ce que vous dites, vous? Mais non, je cherche des mots qu'elle peut c'est pas toujours prononcer. Toujours le même, Laurent, qui revient toujours. Bah oui. C'est quand même la gonzesse qui va animer un quiz culturel cet été. Ouais. C'est enfin, pas moi qui ai écrit les questions. Hein. Elle s'occupe surtout du quiz, pas du culturel. Quand un homme et une femme se marient, ils ne font plus qu'un, mais le plus dur, c'est de savoir lequel. Là aussi, hein, c'est de savoir lequel, pour tout dire. Lord Chatterton. Ça n'existe pas. Chatterton. Mais non, mais vous le connaissez tous. Mais oui. Mais bien sûr. William Shelley. Un dramaturge, il y a une de ses pièces qui est montée régulièrement. Oui, celui qui a écrit My Fair Lady. Exactement. My Fair Lady, ça c'est la comédie musicale. Oui, la comédie musicale qui est adaptée de Pygmalion. Pygmalion et Pygmalion. Georges Bernard Shaw. Heureusement, il est là. Bonne réponse de Florian Gazan. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Depuis toujours sur RTL, vous êtes nos experts du quotidien. Ce métier est devenu de plus en plus difficile. 13h-14h, les auditeurs ont la parole sur RTL. Moi j'ai trouvé que c'était formidable. Moi je suis pas d'accord. Une heure pour témoigner, réagir et proposer vos solutions. Ça traduit la réalité quotidienne. RTL Midi et les auditeurs ont la parole, l'info qui vous ressemble. Tout le monde essaie de faire avancer les choses. Chaque midi dès 12h30 avec Christelle Robière et Vincent Parisot sur RTL. À demain. 12h30 sur RTL. Le jeudi 30 et vendredi 1er juillet, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. La pastèque sans pépins catégorie 1 est au prix imbattable de 99 centimes d'euros la pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 99 centimes la pièce. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pastèque sans pépins catégorie 1 calibre 8, poids minimum 2 kilos, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Et la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant. Une question culturelle pour Catherine Drescher, qui habite Catherine Drescher à Cuxhaven en Allemagne. Ça fait 45 ans qu'elle est là-bas, mais qu'elle écoute RTL et les grosses têtes. Enfin, les grosses têtes, en pas quoi depuis ça 45 vous concerne, ans. Le Pardon fait qu'elle soit là-bas depuis 45 balais, cette pauvre. Bah, elle est en Allemagne, c'est faut quand même le préciser, parce que c'est dur là-bas, quand même. Bah oui, quand même, la vie n'est pas facile en Allemagne. Bon, et, en France, en tout cas, elle est pas rancunière, hein. Je suis française. Et les cheveux repoussés? J'habite Cuxhaven depuis 45 ans et j'aimerais participer au jeu de la question à 300 euros. Elle s'est inscrite sur RTL.fr. Et la question que je vous propose pour vous coller, et qui sait, si vous ne répondez pas, elle touchera un chèque RTL, Madame Drescher, c'est cette question à propos d'Ovid. Vous connaissez Ovid, bien évidemment. Sûr, ouais. Qui avait... Ovid noir, Ovid verte. Moi, je préfère les vertes. Hein. Et des toujours noyautés, en référence à l'apéro, toi. Hein. Non. Il y a quatre âges dans l'humanité. Il y a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de fer, selon Ovid. Quel est le quatrième âge? L'âge de bronze. Pardon, non, ça c'est le matin, l'âge de bronze. Non. Attendez. L'âge de bronze. L'âge de plomb. Pour les courgeaux, il y a l'âge de glace. L'âge de glace, non. Alors, l'âge d'or. De platine. L'âge d'argent, l'âge de fer. L'âge des reins. L'âge des reins. Bonne réponse encore de Florian Gazan. C'est fou quand même, hein. Ouais. L'âge des reins, tu te souviens? Oui, c'est ça. Ça fait pas joli. Ce serait plus beau l'âge de diamant. Ça fait dialyse un peu. Ouais. Ah bah oui, mais c'est ainsi que ça s'appelle, l'âge des reins, qui d'ailleurs suit l'âge d'or et l'âge d'argent et précède l'âge de fer. C'était la classification des âges de l'humanité. Bon, on a niqué l'âge bleu, elle aura pas le blé. Mme Drescher n'aura pas d'argent de Bosch. Une question. Pas de pitié pour les frisés. Non, mais enfin, arrêtez. 45 ans qu'elle écoute des grosses têtes de. Des grosses têtes de l'autre côté du Rhin. Des grosses köpfen. Si elle t'avait connu, elle t'aurait balancé. Pour la balancer, il faut la soulever. Une question maintenant pour Loïc Prodhomme, qui habite Amby, dans la Manche. Émile Boutmy, en 1835. Qu'est-ce qu'il y a? Je le sens pas, le nom. C'est le copain de Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc? Boutmy hors de France. Émile Boutmy, oui. Oui. En 1871, en février 1871 précisément, a créé quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui. Quoi donc? Pour le froid? Pour le froid, non. C'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. Pour les indigents? Ah non, il a créé pour les indigents, non. Une association? Une association? Non. Un organisme ? Un organisme, oui, on peut appeler ça ainsi. Genre oui. La Croix-Rouge, quelque chose comme la ça ? La Croix-Rouge, non. Mais un organisme de ce genre ? Non, non, on est en 1872. C'est pas pour aider les plus démunis. On était en 1871 tout à l'heure. Ouais. Oui, mais ça passe vite. Hein. Oui, mais on est déjà le 30 juin. Non, mais attendez. Non, mais le temps que ce soit enregistré au journal officiel. Non, mais il y a eu la création, puis après, il y a eu l'inauguration. D'accord. Et là, on a passé 2017 au palais. Est-ce que c'est lié à l'exposition universelle ? Du tout. Est-ce que c'est une réunion de gens qui aiment, qui ont le même loisir ? Ah, le même loisir, non, mais c'est une réunion le de gens... Le même problème ? Non, pas de problème. Il a inventé l'appartement. C'est une particularité physique. Ah, ce n'est pas une particularité physique. Il n'a pas inventé un truc genre la minute de silence ou quelque chose comme ça. Au début, il y a 89 personnes qui ont participé. C'est des transports ? Des transports, non. Et attends, ces 89 personnes étaient des hommes et des femmes ? Alors, ou uniquement des hommes ? Je pense qu'au départ, il devait y avoir surtout des hommes, voire exclusivement des hommes. C'est lié à une maladie ou un trouble ? Du tout. C'est une amicale ? Une amicale. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, l'un d'entre nous autour de cette table irait ? Ils ont une passion en commun. Oula, c'est des gens intelligents. Ah, c'est des gens très intelligents. Ah, les QI aujourd'hui. Les QI ? Pardon. Il a inventé le test de QI, non ? Non. Attendez, bah, c'est en France ? Oui, c'est en France. Ben, c'est lié à des études ? Monsieur Émile Boutmy, en 1871-1872, hein, on va dire des que... Des gens très brillants se sont réunis. Oui, oui, oui. D'accord. Le premier pour décerner un prix, Concours Lépine. Non, pas pour décerner un prix. Ils ont créé une école, ça doit être Polytechnique, ouais, ou bien ça. Les mines, ou les ponts et chaussées. Non. Ou l'ENA. L'école centrale ? Non, mais vous êtes tout près. Saint-Cyr. Il a créé Saint-Cyr ou Ginette ? Non, 1871-1872, Émile Boutmy. Le CAP Jardinage. Non. Cagne, non. Émile Boutmy crée. Le Collège des Cœurs Brisés ? Non. Et d'ailleurs, Collège de France ? Cette école vient d'acquérir l'hôtel de l'artillerie. Sciences politiques. Sciences Po. Bonne réponse de Caroline Diamant. Facile, elle va souvent à la selle. L'école libre des sciences politiques a été créée par monsieur Émile Boutmy. Il faut savoir que Sciences Po vient d'acheter l'hôtel de l'artillerie à Paris 7e. L'Institut d'études politiques veut créer un campus moderne, un peu comme Oxford. Vous voyez, c'est vrai que Sciences Po, c'est réputé quand même chez nous à Paris. Ah bah oui. Qui a fait Sciences Po ? Moi. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Mais Sciences Po, mais... n'avez besoin de rien dire, les gens rigolent. Ah, mais ça suffit, il n'y a pas mais besoin Sciences d'en faire PAU, plus. Sciences Po, PAU, toi, t'as joué à Pau, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, mais PMU plus, moi. Vous avez fait quoi comme étude pour être footballeur ? Moi, j'ai le brevet, le permis, je le compte dedans parce que c'est difficile. Ah, le permis quand même aussi ? Ouais, le permis, je l'ai perdu, mais je l'ai récupéré. Comment ça, vous l'aviez perdu ? Ah, bah, il est footballeur. Oui, bah, oui. Forcément, j'ai eu un petit appel de phare à un moment donné, et puis j'ai pas suivi le truc, quoi. Ah, c'est-à-dire que vous aviez une grosse voiture sportive ? Ouais, c'est ça, bah, une Ferrari, en tant que footeur, normalement, attends, c'est Ferrari. Mytho, t'es en Ligue 2, c'est de la Clio maximum, 16S. Et t'as le nouveau modèle où tu peux mettre deux putes à l'arrière ? Qui clignotent. Ils sont obligés de passer par l'avant. Ça nous gêne pas. Ça vous excite, un footballeur, Isabelle Mergo ? Oh, pas du tout. Ah non, menteuse ! Oh ! Ce qu'elle me dit en coulisses, en plus, franchement... Oh non, je lui ai dit qu'il avait un beau col. De quel col tu parles ? Bah, il est mignon, son petit col. Ah, il a un col Mao, aujourd'hui. Voilà, et en cuir. Hein. Ah, voilà, oui. C'est mignon. Bah non, pas du tout. Alors, je pourrais jamais être avec un footballeur. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes passions. Oh, bon, c'est... Voilà. Et bon, enfin bon, s'il veut vraiment... il a de beaux yeux. Il n'a pas l'air contre, hein, entre nous. Il a de beaux yeux. Il a une belle profondeur d'yeux. Ouh là là, ça sent le mercato. Ça sent le mercato. Qu'est-ce que vous appelez une belle profondeur d'yeux ? Là, vous avez des yeux bleus, c'est beau, bon. Mais lui, c'est profond. Il a l'œil malicieux. Non, pas malicieux. C'est profond. On peut vraiment rentrer à l'intérieur de l'œil. L'œil qui sent la bite, ça veut dire. Non. Tu vas l'avoir la passe. Le problème, c'est les valises sous les yeux. Non, mais tu vas l'avoir la passe en profondeur. C'est très rare la profondeur des yeux. De Elle est amoureuse. Non, pas du tout. Mais pas. Non, voilà, c'est. Oh là là. Et vous avez vu, de toute façon, je peux pas, je suis amoureuse. Ah bon ? Ouais. Alors, ça, c'est le scoop du jour, alors. Ouais. Oh, mais c'est le scoop du siècle, je veux dire. Sans déconner. Ah non, mais. Attendez. Ce qui explique cette tenue un peu chatoyante, je dois un dire. Un peu moulante. Un peu moulante, chatoyante, un peu la... toujours comme la, ça. Ah bah non, piste aux étoiles à l'étage, le cirque Pinder en dessous. On sent qu'il y a eu du jonglage. Il y a eu du jonglage. Hein. Ah oui, non. Oui, il y a un peu d'États-Unis, de la rayure rouge et blanche. Ah bah, elle fait dresser le chapiteau, c'est normal. Rapport avec l'amour. C'est un cascadeur, votre amoureux ? Non, elle fait dresser le chapiteau. C'est un daltonien, visiblement. Ah non, mais on veut tout savoir. Non-voyant. C'est qui ? Il a un labrador. Alors, on va deviné, franchement. Ça, c'est Dimitri. Ah non, mais on veut savoir. Ah oui. Alors... Bah, je sais pas encore son nom. Bah, comment mais ça? T'es amoureuse d'un inconnu? Ah, il est pas inconnu, mais je le vois de temps en temps, mais je sais pas comment il s'appelle. Hein. Ah, vous, ah, vous l'avez pas dire... abordé encore? Ah non. Ah, c'est un adopte un mec? Et je vais vous dire, jamais je le ferai. Ah bon? Non. Mais vous êtes amoureux de quelqu'un que vous voyez passer dans votre rue, par exemple? Ouais. Ou qui te livre des courses, peut-être? Non, il me livre rien. Gilles Boulot, 20h? Oui, c'est ça. Non, il est dans mon quartier. Mais est-ce que tu sens qu'il y a un échange de regards positif? Non. Mais il fait quoi? Tu pensais que t'as mis un truc avec des étoiles partout, comme ça, non. Il est connu. Il passe derrière un grand. Ah, il est pas du tout connu, non. Il a un commerce. Mais il passe derrière un grand camion en ramassant les poubelles. Attendez, quel genre de commerce? Il vend des antiquités? T'as peut-être une chance. Oh bah non, mais profitez de l'antenne d'RTL. S'il peut entendre, on sait jamais. Mais oui. Ah, mais pas du tout, vous êtes fous. Oh mais enfin, si tu le fais pas maintenant. Tu rentres dans son commerce. Faut profiter. Bah oui, t'es bientôt vers la fin. Des trucs. Bonjour monsieur, je vois les capotes. Non, mais attendez, quel genre de commerce il tient? Des trucs que j'aime pas du tout, mais j'y vais souvent pour acheter des trucs. Mais genre, des jeux vidéo. C'est mignon, ça. Voilà. T'imagines? La meuf, elle vient acheter des. J'ai pas besoin de route secours. Hein. Attends, faut qu'on trouve ce qu'elle aime pas du tout. Il est pas garagiste. Il est chez Midas. Il est libraire? Pas du tout. Il va changer le pot, tu crois? Bon, allez, c'est tout. Alors, on y va. Il est garagiste. Garagiste. Vous ne saurez rien. Garagiste, tu rentres pas tous les jours dire changez-moi la bougie ou. Quoi que. Non, mais ça nous rend malheureux parce que nous, on a envie que vous soyez épanouis. Bah oui. Vous inquiétez pas. Ça vient. J'y vais à mon rythme. Que vous profitiez de votre. T'es pas arrivé alors. Saviez-vous que pour vivre pleinement et sereinement votre retraite, AXA vous propose des solutions santé, épargne et dépendance? Même si vos besoins changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien protégé avec AXA. Prenez rendez-vous avec votre conseiller AXA ou sur AXA.fr. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, que pour ses 20 ans, oui. Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités, plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. Waouh, elles sont top toutes les trois. Enfin Bruno, vous êtes marié. Mais je parle des Top First Top. Jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, c'est top. Jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, c'est top. Plus 19 points de contrôle gratuit, c'est top. Cet été pour les offres top, rendez-vous chez First Stop. Dans les 340 centres auto First Stop, jusqu'à 100 euros offerts sur l'entretien auto, jusqu'à 150 euros sur les pneus Bridgestone, plus le contrôle sécurité gratuit. Centre auto First Stop, les centres top. Offre valable jusqu'au 30 juillet, conditions dans les centres Auto First Stop participants. Un vent de révolution souffle sur le camping. On est obligé de se taper la musique de violence. C'est ce qu'ils disent les vieux. Camping 3. Moi j'ai arrêté d'écouter de la musique à la mort du chanteur d'Oasis. Il est pas mort le chanteur d'Oasis. Quoi? Il est pas mort Carlos Patrick? Eh hey, Carlos! Oasis, oh! Casse-toi, Jojo, t'es dans! Franck Dubosc et toute l'équipe de Camping 3 vous attendent au cinéma avec RTL. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Et je suis avec Julien, sympathique Casinomaniaque. Alors Julien, c'est quoi votre petite manie? Moi, quand j'achète de l'huile d'olive chez Casino, je parle avec les mains comme si j'étais dans le sud. Et j'applaudis avec les deux mains, tellement c'est pas cher. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille d'huile d'olive extra vierge Pernucci de 75 centilitres, la deuxième est à 0 euros au lieu de 7,99 euros. Casinomania, encore et toujours plus fou! Avec Casino, prenez goût aux économies. Vous le savez, cette semaine, à l'occasion de la tournée Folio sur mer, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne de RTL se voient offrir par les éditions Folio et RTL une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lesite.fr. Et c'est forcément valable pour l'auditeur ou l'auditrice face aux grosses têtes. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction La Ferté-Bertrand, on nous attend Stéphanie Grenèche, c'est dans la Sarthe. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous connaissez Stevie peut-être? Ouais. Ah, j'étais sûr. De nom. C'est pas La Ferté-Bertrand, c'est La Ferté-Bernard. Ah ben, il me semblait bien d'ailleurs. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites? Je suis assistante en ressources humaines. Quel âge avez-vous? 41 ans. 41 ans, Stéphanie. Oh là là, vous avez une voix de gamine. Ouais. Ah oui, on dirait une ado. Passe-nous ta mère. Stéphanie, vous allez peut-être partir en voyage grâce à RTL. C'est notre annonceuse, évidemment, qui vous dira où vous partirez. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. À moins que vous ayez un petit message à faire passer, profitez de l'antenne de RTL en ce 30 juin. Eh ben, je suis contente de vous avoir parce que vous dégayez nos journées, donc c'est un plaisir d'écouter les grossettes. Oh, ben ça nous fait plaisir ça. Alors écoutez, ça me touche, vous savez, Stéphanie. Non, c'est vous qui vous touchez, Laurent. Bon, enfin, pas du tout. Voici la question. Le 4 juillet prochain, dans quelques jours donc, le 4 juillet prochain, dans le Bas-Rhin, à Schiltigheim, un long suspense touchera à sa fin. Qu'est-ce qu'on saura ce jour-là? Oh là là là le 4 juillet prochain, à Schiltigheim. Le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin. Vous l'avez vu, le Bas-Rhin? Un long suspense touchera à sa fin. Je sais pas, mais j'ai une idée. C'est sportif, Laurent? Ce n'est pas sportif. Ah, j'ai plus d'idée. J'ai une idée. J'ai une idée qui est peut-être mauvaise, mais j'ai une idée. Vous avez un ordinateur, Stéphanie? Oui, oui, oui. Allez, oui. Steph, ben alors... vous avez des doigts. En plus, mes grosses têtes n'ont pas l'air de savoir. Florian Gazan, même pas. C'est politique? C'est politique, oui. Oh là là, il le sait, je le sens. Ah là là. Il vous reste quelques secondes. Je sais pas du tout du tout. C'est un rapport avec les primaires? C'est un rapport, pas forcément avec les primaires, à Schiltigheim. Moi, je sais pas, je peux tenter une question? Allez-y. Est-ce que ça a un rapport avec le nom de la région? Du tout. À Schiltigheim, le 4 juillet prochain, fin d'un suspense, lequel? Non, je sais pas, je sais que c'est politique, mais je ne sais pas. C'est par rapport au présidentiel? Tapez Schiltigheim. Aider comme ça, c'est massacre. Essayez de l'épeler au moins. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, monsieur Boubi. Est-ce que c'est politique? C'est par rapport aux élections 2017? C'est par rapport à la présidentielle 2017, oui. Aux primaires à droite? Pas aux primaires, forcément. On connaîtra le nombre de candidats en tout? Non. Ok, c'est un rapport avec le fait que quelqu'un va se présenter. Oui, et c'est? Je sais pas. Quelqu'un qui va se présenter, qui va... De Schiltigheim? Oui. Un écolo? Pas quelqu'un. Non, c'est du PS, mais il veut pas se présenter via le PS. Ce n'est pas du PS. C'est de la droite, mais il veut pas se présenter via le PR. C'est M. Sarkozy? Sarkozy? Non, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. C'est écologique. Ce n'est pas écologique. C'est Mélenchon? C'est pas Mélenchon. Il est candidat depuis longtemps, Mélenchon. Dupont-Aignan? Non, c'est à droite. Suspense, tout le monde s'en branle. À l'extrême droite? À l'extrême droite, non. À droite? Entre droite et extrême droite? À droite. Il y en a déjà tellement. Gaulliste. S'agit-il d'un monsieur très âgé? Un monsieur très âgé, non, je peux pas dire. Est-ce que cette personne a déjà été Premier ministre? Premier ministre, non. Conseiller? Conseiller, non. C'est ministre, une femme? Oui. C'est une femme. Ah, Michel Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie, c'est Caroline Diamant qui a trouvé la réponse. Ouais. Ah oui, quel suspense. Ah oui, c'est vrai. Ben alors Stéphanie... Je pensais qu'elle était déjà candidate. Ah non, elle a dit qu'elle annoncerait ça lors d'un meeting le 4 juillet prochain à Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Et c'est vrai qu'on ne tient plus. On tient plus. C'est ça. Moi j'avais un truc, je vais annuler. Le suspense, ah ouais. Attendez, on se fait une soirée exprès pour le 4 au soir. Elle est chier faire ça pendant l'Euro quand même. Moi je sais pas ce que je vais faire si j'ai double match. Elle attend le 4 juillet, elle veut savoir si Monsieur Ben Ali acceptera d'être ministre des Affaires étrangères. Bon, ça y est, là, je suis en train de lui savonner la planche déjà, à Mam. Non, mais enfin, c'est curieux qu'elle veuille. À Mam. Oui, Mam. Ça fait suer, hein. Ah, mais je l'appelle Mam. À Mam, ça fait Ben Ali, ceci dit. Non, mais écoutez, c'est incroyable qu'elle veuille se présenter aussi, Michel Alliot-Marie, quand même. Non, incroyable, non. Mais qu'elle en fasse un suspense alors qu'on en a rien à foutre, ça, c'est quand même étrange. Mais il reste des gens pour voter, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous candidats, en fait. Non, mais c'est vrai qu'à Schiltigheim, Madame Michel Alliot-Marie nous dira si elle est candidate à l'Élysée ou pas. Ils nous font tous rêver avec je ne suis ni droite, ni de gauche, je suis gaulliste. Vraiment, ça incarne tellement la France de demain. Attention, elle peut rassembler des gens hein, quand même. Ouais, sa famille. Ouais, ils font un repas. Ouais. Et pourquoi on fait pas dans ce cas-là? Moi, je suis alors d'accord. On fait un collectif qui se présente à la présidence de la République. Genre, par exemple, les grosses têtes à la présidence de la République. Oh, attends. Moi. D'abord, on se répartit les ministères. Moi, j'y vais pas comme ça. Hein. Moi, je peux pas, Laurent. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que je suis déjà candidat à moi seul. Ah oui? Oui. Vous aussi, vous allez. J'annonce officiellement ma candidature. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous allez faire comme Coluche. Et vous allez voir que c'est très très vrai. Vous allez voir ça dans quelques temps. Vous allez être étonné. J'annonce ici, c'est un scoop. Baffi candidat. Exactement, pour sortir la France de la merde. Ah bah. Oh, et moi, je vote pour toi. Merci. Il y en a plein déjà. Hein. Moi pas. Je suis à 10% d'attention de vote. Et on le saura quand? Je pense que très bientôt, il y aura un événement qui fera que toute la France sera au courant. Et alors, le camion est prévu quand? Quelle horreur! Si vous avez un accident de moto pendant l'été, on saura pourquoi, ma fille. Ramsa. Donc, je pense que j'ai de grandes chances, donc je pense que je serai là au deuxième tour et, ouais. et que j'accéderai aux fonctions suprêmes et que je déciderai après qui sera ministre qui sera encore RTL, je distribuerai les bons points, les accès, sites et nominations. Et vous allez tous bien me lécher le cul. Comment, comment si ça va se passer? Tu demandes gentiment avec un billet de 500 euros. T'as pas de... Désolé, en tout cas, Stéphanie. Pas grave. Bah oui, c'est dommage, dommage Stéphanie, ça sera pour une prochaine fois ce beau week-end dans un hôtel sélectionné par verychic.com, site de vente privée d'hôtels extraordinaires dont fait partie Empreinte Hôtel et Spa à Orléans, un hôtel 4 étoiles qui est situé à la place de l'ancienne bourse de travail de la ville, en plein centre-ville, un hôtel de caractère, un écrin cosy, design et luxueux avec spa et bar lounge. Vous pouvez retrouver Empreinte Hôtel et Spa à Orléans dans la sélection de la semaine du site verychic.com. Site de vente privée d'hôtels extraordinaires. Le retour des grosses têtes, c'est dans un instant sur RTL. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Je suis chez Lidl, là. Et quoi encore ? T'as pas la pêche ? Ah, c'est ça. Par contre, ici, ils l'ont. Hein. Demain et après-demain, ils nous font la barquette d'un kilo de pêche Origine France à 1,69€. Là, le moral en prend un coup. Hein. 1,69€ la barquette d'un kilo de pêche ? Ah, pour le coup, ça vaut le coup ? Ah, si vous faites de la pub pour Lidl, patron, ah, là, on est mal. Hein. Ah, on est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,69€ le kilo, catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin Origine France. Et jusqu'à 18h, vos grosses têtes, Laurent Ruquier, qui sont Isabelle Mergault, on va l'appeler président Baffi, Caroline Diamant, Florian Gazan et Fabrice Éboué. On a quand même deux scoops aujourd'hui. Hein. Laurent Baffi, candidat, Isabelle Mergault, amoureuse. Ça, franchement, alors, on est surpris, on va de surprise en surprise. Je serai président avant qu'elle se fasse baiser. Hein. Ouais, mais c'est toi qui nous baiseras en tant que président. Alors là, je parierais pas dessus quand même. Une question pour Agathe Bitchen, qui habite le Solia, c'est en Suisse. Où peut-on voir la femme égorgée, la femme assise, la femme au chignon et la femme cuillère? Dans une au toile. Musée. Dans une toile. Dans une toile, non. Non, mais dans un musée, sur plusieurs toiles. Dans un musée, oui, sur plusieurs dans une toiles. Cocotte. Sur plusieurs toiles, non. Dans une toile. C'est pas un peintre. Un peintre, alors c'est quelqu'un qui a peint. Un sculpteur. C'est la sculpture. Ah, c'est un sculpteur, oui. Giacometti. Et c'est donc où qu'on peut voir ça? Où qu'on au peut musée voir ça Mag, Fondation Mag. Au musée Branly. Non, mais vous avez trouvé. Au musée d'Orsay. Avec Daesh. Je vais vous... Non, aucun rapport avec Daesh. Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est effectivement une exposition Giacometti, mais c'est à Shanghai, une première en Chine, la plus grande rétrospective jamais consacrée à Giacometti. Il faut aller jusqu'en Chine pour la voir à Shanghai. Bonne réponse de Laurent Baffi. Ce sont des sculptures. C'est vrai qu'on connaît l'homme qui marche essentiellement, qui marche, mais il a aussi évidemment sculpté des femmes, la femme cuillère, la femme couchée qui rêve, la femme égorgée, la femme assise, la femme au chignon, voyez. Et c'est vrai que vous feriez par exemple, vous Isabelle, une magnifique... femme égorgée, femme oui, merci. Non, une magnifique sculpture, vous avez déjà posé. Oui. Ah, j'étais sûr. Et Caroline ferait une femme couchée et assise. Je vais m'asseoir sur ta gueule, tu vas voir. Ça va te calmer tes vannes. Ça va vous changer la vue. Compassion de César après. Fini la présidence. Hein. Racontez, alors vous avez posé pour qui, Isabelle? Bah, il est resté inconnu, le pauvre. Ah, c'est vrai? Ouais, mais c'était un peintre, un sculpteur? Ouais, c'était un peintre. Un peintre. Et c'était pour me faire de l'argent de poche. C'était du nu? Ouais, bah oui, tout le temps. Et T'as vu ses fringues, honnêtement? Non, bah, quand déjà j'étais actrice, j'étais nue, alors c'est pas pour poser habillée quand même. Et quelle pose vous aviez alors? Et, oh, mais très, très. L'origine du immense, ça s'appelle. Non, mais c'est fatigant hein, de poser. Ah, bah oui! Il faut rester plusieurs heures. Le temps que ça sèche. J'ai jamais compris pourquoi ils prenaient pas de photos. Comment ça, pas de photos? Ils auraient pu prendre une photo de moi, puis je me cassais, je l'allais manger à sandwich. Pour se rincer l'œil plus longtemps. Ouais. C'est plus sympa de se branler quand t'es là. Au moins, ça bouge un peu, quoi. Mais non, c'était un artiste, un vrai. Ouais. Le nom qu'on dû utiliser ça. Ouais. Ça, je suis un artiste, un vrai, j'ai un vrai regard. C'était abstrait ou c'était figuratif? Non, c'était figuratif. C'était presque du tout. On vous reconnaissait alors? Ah oui, et surtout, je me souviens des orteils qu'il a fait de moi. Racontez. Il a fait 5 gros doigts de pied à chaque pied. C'est Shrek en fait. La princesse Fiona. Oh, il y a que les 4 premières lettres du prénom qu'on servit. Hein. Oh là là, mais c'était un artiste, j'avais 20 ans. Arrête, c'était José, il était naïf sur peintre en bâtiment, tu le sais très bien. Ouais. Et il t'a refait le crêpe à l'intérieur. Il peut mis au rouleau, le type. Et alors, il est sympa, Marc Dorcel. Et alors, racontez-nous. Eh ben rien. C'était chez lui, chez vous? Non, c'était dans son atelier. Oh là là, mais t'étais pas trouillarde hein, comme fille. Dans la cave. Bah, à 20 ans, tu suis un mec que tu connais pas pour poser à poil pour lui, c'est quand même dangereux. Elle va bien tous les jours, chez un commerçant. Pour essayer de baiser, alors je vais te dire. Il payait. C'était bien payé. Non, mais quand t'as 20 ans, tout on a froid, payé. On a froid pendant qu'il peint. Non, parce que moi c'était l'été, mais dans son atelier, j'avais surtout très très chaud. Ça a aidé pour se déshabiller, remarquez. Mais je pouvais poser à peu près 4 heures par jour. Et ah oui, il n'y a rien eu entre avec vous. Avec une pause après la pause. Enfin, pendant la pause. Enfin, dès que je posais, je pose. Une pause, quoi. Il y avait une pause pendant la pause, oui. Je faisais la pause. C'est le fameux moment où vous rhabillez, où là, on frappe à la porte et dit ciel, ma femme, déshabillez-vous vite. Elle est jolie, hein, monsieur. Très jolie. Et il a tenté un truc ou pas? Rien! Non, mais limite, c'était un peu vexant, même. Non, je crois qu'il était vraiment artiste. Pédé. Il était beaucoup plus âgé que toi? Non, je devais avoir 3 ans. 20 ans, il devait en avoir 30. Ah oui, quand même. Et donc, il faisait que des natures mortes, sinon? Non, mais c'est intéressant. Et on peut la voir quelque part, cette toile? Ouais. À Shanghai. La croûte a séché. Au musée Branlé. Il y a toujours au musée Branlé. Oh merde. Je ne vous raconterai plus du tout d'anecdotes de ma vie. Alors, ah, mais non, si, ça nous passionne. Si, est-ce qu'au bout d'un moment, on est désinhibé? C'est-à-dire. Oui, au bout d'un. Mais je suis toujours, moi. J'ai jamais eu de problème pour. J'ai été à poil tout de suite, moi. Je peux faire un croquis, pardon. Non, mais maintenant, je me mets plus en petite tenue, mais avant, je me déshabillais souvent. Quand on te donne de l'argent, tu le fais. Enfin, moi. Ça s'appelle une escorte, ça. Non, mais attends, c'est mieux que de taper à la machine. Moi, j'étais secrétaire, et après, un jour, j'ai été actrice, on m'a dit de me déshabiller, et j'ai gagné en une journée ce que je mettais 3 semaines à gagner. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, et j'ai fait ça. Une question maintenant pour monsieur Jean-Loup Denis, qui habite Orléans. Bah, chez vous, tiens, dans le Loir, et monsieur Denis espère 300 euros. Ce sera une question musicale. J'espère que certains d'entre vous ont fait leur gamme, ou en tout cas ont appris, comment on appelle ça? Le solfège, hein? Oui, ouais. Le solfège. Vous avez appris le solfège? Ah bah oui. Bon, bah alors, vous allez pouvoir répondre. En musique, il y a 3 altérations simples. Le dièse, le bémol et le... Silence. Bécard. Le bécard. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud et Florian Gazan. Ah bah c'est bien ça, Isabelle. Vous avez fait donc des cours de solfège, vous avez pris des cours. Oui, je joue du piano. Mais c'est vrai que vous jouez du piano, j'avais oublié ces moments fantastiques où c'est un peu romantique quand nu, on vient chez vous. Tu joues nu? Ouais. Il y a un chandelier sur le piano et elle joue. Bon, tôt, faut pas qu'elle ait bu beaucoup. Et tu joues du classique, tu joues quoi? Oui. Je joue du Chopin. Et du Satie. Je joue... Oui, mais c'est pas... Du Kléderman, un peu. Mais des airs de moi. Comment ça, des airs de vous? Ah, tu composes. Je compose. Ça alors. Ça restait aussi anonyme que la croûte pour laquelle... Non, non, parce que aux grosses têtes télé de l'époque de Philippe Bouvard, je chantais toujours mes chansons. Bravo, en tout cas, c'est bien le bécard, le dièse et le bémol. Vous pouvez me dire la différence entre le dièse, le bémol et le bécard? Le dièse, vous augmentez d'un demi-ton la note. Le bémol, vous baissez la note d'un demi-ton. Et le bécard, vous annulez quand on est dans une autre tonalité. Ça annule le dièse ou le bémol qui existe et on refait la note telle qu'elle est. Bravo. Le diamant, vous augmentez d'un gros ton. Non, écoutez, ça c'est pas bien. Oh non, franchement. J'ai éboué. Eh bien, vous ne serez pas élu président, Laurent Baffie. Oh, éboué. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.

Effectivement, ce sont des personnages présentés dans Le Hobbit, le premier roman de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ils sont 9 dans cette communauté. Pipin, Aragorn, Gandalf, Frodon, Legolas, Sam, Merry, Gimli et Boromir. Vous savez tout ça. Moi, j'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Jamais. Moi non plus, mais Frodon, on en a beaucoup entendu parler, donc il doit avoir un rôle particulièrement important. J'ai vu la version porno avec Stevie. C'est quoi? Seigneur des Anus. Oh non, franchement, Fabrice, n'avez pas honte. J'espère que vous avez honte. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Il y a plein de versions gays. Hein. C'est des stocks. Dans l'année des méduses, j'ai vu l'anus d'Amédée, moi, qui était vachement bien. Il y avait beaucoup d'hobbits. Enfin, non, vraiment, non. Non, oui, je pose des questions culturelles, littéraires. Bah si, ça, c'est culturel. Non. C'est littéraire. Le Seigneur. Culturel est une question à laquelle un footballeur ne peut pas répondre. Le Seigneur des Anneaux, mais il a répondu, justement. Il a répondu. Donc, elle n'était pas littéraire. Ah, c'est vrai, c'est la raison. Alors, justement, une question sportive maintenant, pour Bastien Bonnefond, qui habite Paris 15e. Une question qui concerne les Jeux Olympiques, on va y avoir le droit au mois d'août prochain, sauf que là je vous parle des JO de 1928 à Amsterdam, ça se passait aux Pays-Bas. Oh, Amsterdam. Tu fais Brassel ou Brun? Non, c'est Guy Béard, je crois. Brel ou Brassel? C'est Guy Béard. C'est Guy Béard. Vous avez reconnu Guy Béard? Tu parles qu'on l'a reconnu dans l'état où il est actuellement. En tout alors, cas, les départitions de panneaux sont du même niveau. C'est vrai que les vidéos chez Bouvard, ils retrouvent pas. Alors, les Jeux Olympiques d'été de 1928, il s'y est passé pour la première fois quelque chose contre lequel le baron Pierre de Coubertin était pourtant contre. Quoi donc? Un coup de feu pour lancer les courses? Non, non. Un coup de feu pour lancer les courses. Bah, peut-être qu'il était contre, peut-être qu'il trouvait la victoire qu'il de était quelqu'un. Pacifiste. Alors, la victoire de quelqu'un, non. Une discipline spéciale? Non, on le savait de toute façon avant même que les JO démarquent. Ces JO-là d'été 1928 verraient pour la première fois quelque chose contre lequel le baron Pierre de Coubertin était. Une nationalité? Pardon? Une nationalité? Une nationalité, non. Une discipline? Une discipline, non. Une présence? Une présence, oui. Hitler? Hitler, non. Est-ce que c'est une présence dans les gradins ou une présence dans le stade? Est-ce que c'est quelqu'un de sportif? C'est plutôt chez les sportifs. Et d'accord. Et c'était quelqu'un qui avait la réputation d'être dopé? Non. Dans l'époque des femmes. Les femmes, il était contre les femmes. Il voulait pas de femmes. Et c'est la première fois que des femmes participaient aux Jeux Olympiques en 1928. Bonne réponse de Laurent Baffy. Pour la première fois dans l'histoire des JO cette année-là, et oui, les femmes ont participé aux épreuves de gymnastique et d'athlétisme. Jusque-là, ce n'était que les hommes qui participaient aux Jeux Olympiques. Le baron Pierre de Coubertin était hostile à la participation des femmes aux Olympiades. Il estimait que cela constituait un affront majeur et à la grandeur de la pureté de la compétition. Ouais, dès qu'il y a une femme... Il était comme ça, Pierre de Coubertin. Dès qu'il y a une femme mais il était fair-play quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui disait que valait mieux participer, quoi, je sais pas quoi. Là, l'essentiel, c'est de participer. Ouais, ouais. Elle est bien, la citation. Ouais, elle est un peu bâclée, ouais, je m'en rappelais plus. Le jour où tu seras coach, j'aimerais bien les causeries. Ouais, les gars, faut aller là-bas, devant. Je ferai des croquis. Bah écoutez, en tout cas, franchement, vous l'ignoriez que c'était à partir de 1928 que les femmes ont participé aux JO. Vous allez regarder ça, les JO, parce que autant. En 1928, non, j'ai un certain âge, mais non. Vous allez regarder. Non, mais pas du tout, il y en a marre du sport, il y en a marre, j'en veux plus. Oui, justement. Ah non, ça j'aime, moi. Le foot, c'est une chose, le Tour de France en est une autre, parce qu'il y a 15 sports. Mais pendant les Olympiades, vous pouvez au moins, et ce sera le cas au mois d'août, choisir votre sport, Isabelle. Mais aucun. Il n'y a pas un petit sport. Ah non, mais aucun. Rien. Aucun. La poutre, la gymnastique, la poutre, le basket, le tennis, le canoë-kayak. Rien. Ah, si, rien. Le lancer de poids. Non, rien. Les 4 fois 100 mecs. Non, franchement. Non, rien. Je déteste. La cérémonie d'ouverture, ça peut-être. Va être beau, sérieux. Et vous savez quoi? Je crois que je n'ai jamais regardé le sport à la télé. Je n'ai jamais regardé du sport, d'ailleurs. Ah bon? Non. Bah si, pourquoi vous ne regardez pas, par exemple, l'équitation? Il y en a. Ah ouais. Vous aimez le cheval? Bon, j'ai fait du cheval une fois, je me suis cassé la gueule. Il faudrait que je regarde. Bah oui. Non, vous allez régulièrement. Alors, je sais... accompagner ma fille pour faire du poney. Mais quel rapport avec l'équitation? Mais c'est pas vrai, vous allez parier au Grand Prix d'Amérique. Mais oui, mais je m'en fous un peu. C'est beau les chevaux qui courent, oui. Mais c'est surtout les paris. Puis c'est les trotteurs. Hein, c'est les trotteurs et c'est la charrette. C'est les Jeux Olympiques, ça m'éclate. Il y a la gymnastique rythmique sportive, il y a la gymnastique classique, il y a la natation qui est marrante, il y a l'athlétisme. Le lancer de trucs pourris. Le lancer de poids. Le tir à l'arc, ça c'est bien, le tir à l'arc, je regarde. Pourquoi vous regardez le tir à l'arc? J'aime bien, je trouve que c'est. On n'en voit pas habituellement, je trouve ça assez intéressant. Quoi. Il attend l'accident, lui. Le tir à l'arc en disport, à l'arrière. Pour non-voyants. Avec les pieds et tout, là. C'est quoi ça avec les pieds? Je sais pas, j'ai vu un mec un jour tirer à l'arc avec des pieds. Et c'est les handicapés. C'est comme ils peignent avec, de temps en temps, tu as des handicapés qui peignent avec leurs pieds. Bah oui, celui qui vous a fait le portrait là. Lui, il peignait comme un pied. Une autre question maintenant, et ce sera une question pour Sylvie Lepage qui habite Mortagne-au-Perche en 1935. Wallace Carothers, qui travaillait alors chez Dupont de Nemours, inventa dans son entreprise de chimie américaine, inventa... Le nylon. Le Zippo. Le nylon. Bonne réponse de Laurent Baffy. En quelle année? En 1935, on a inventé... Mais comme d'habitude, il ne l'a pas fait exprès, il travaillait sur autre chose. C'est vrai. Comment vous savez ça, qu'il a inventé le nylon, alors? Bah parce que c'est connu. T'as rien sur le lycra? Ah, ça, c'est notre période. Vous aimez porter du nylon, Isabelle? Oh oui. On transpire avec le nylon. Hein. Ouais, on transpire, ça dérape. Comment ça, ça dérape? Et pourquoi ça colle, ça dérape? Non, mais les bas, en tout cas. Tu portes des bas, toi? Ah, si, mais elle, c'est des filets de pêche quand elle arrive à sa coquiner avec un chalutier. Il y a des petits arrangements. T'es méchant. Elle va pas voter pour toi. Hein. En plus, il faut le dire, avant l'été, comme signalons-le, notre amie Caroline a beaucoup maigri. Non, j'ai pas beaucoup maigri. Un peu, j'ai commencé. Qu'est-ce que vous avez fait pour perdre ce poids déjà? Elle s'est fait amputer. Non. Elle s'est coupée les cheveux et les ongles. Non, je me suis fait épiler, connasse. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Bah chérie, tu déménages? Ben non, je prépare les affaires pour les vacances. Mais on va encore être chargés comme des bulles. Et les pneus vont jamais tenir. T'inquiète, tu vas chez Euromaster, ils font des super remises. Fonce mon cœur! Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant les expertissimes Euromaster, jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de pneus Michelin. Euromaster! Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 31 août. Devis, achats et conditions sur Euromaster.fr. Et avant de retrouver la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier, voici un rendez-vous que vous donne RTL demain matin entre 9h30 et 11h avec Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. Si vous avez un litige à régler, eh bien Super Juju et sa super équipe vous accueillent sur RTL et au 3210 pour le résoudre et pour résoudre le cas mauvaise humeur. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question pour Mathilde Mercier qui habite Nantes. Albert Calmette et Camille Guérin, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est des sportifs. Non, pas du tout. Eh bien, ces deux noms-là ont donné leurs initiales à quelque chose. Quoi donc? Le BCG. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Mais depuis qu'elle va animer une émission, incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a acheté un livre. Je laisse une deuxième chance à Madame Mercier de Nantes, car c'est vrai, vous avez trouvé que Calmette a laissé son C pour le BCG, Guérin a laissé son G, mais dans BCG, que veut dire le B? Bacille. Bacille. Cuti, non, le B. Le B. Le B. Ah, le B. Le bacille. Bacille, non. Bactérie. Bactérie, non. C'est un nom de microbe ou pas? Non. Brevet. Alors, c'est le vaccin BCG. Alors, c'est le vaccin... C'est le nom de la maladie? Non. C'est le nom de la molécule? C'est ce qui sert à faire le vaccin. Le BCG, c'est pour quoi déjà? La polio? Contre la tuberculose, entre autres. Polo. Est-ce que c'est un nom de maladie? Pas du tout. Pas du tout. Ah, quoique, si on en a trop, évidemment, ça devient un problème. Bolloré? Non. La variole? Non. Il y a deux syllabes? Ah, il y a deux syllabes. Là, c'est l'adjectif, mais si vous me donnez le nom, ça suffira. Hein. Le vaccin... De Calmette et Guérin. Bléno? Bléno, non. Si on en a trop. Si on en a genre trop. Genre des globules. C'est un liquide qui favorise... La bile. La bile, le vaccin bilier de Calmette et Guérin. Bonne réponse. Oh là là. Oh, le prix Nobel. Quand je serai président, Cette femme aura son émission. Incroyable. Le vaccin bilier de Calmette et Guérin, voilà ce que veut dire BCG, vaccin bilier de monsieur Albert Calmette et Camille Guérin. En effet, c'est fait avec de la bile, tout simplement. Le vaccin de la bile qui est sécrétée de manière continue par le foie, et c'est de la bile animal, évidemment, qu'on utilise pour le BCG, chère Isabelle Mergaux. Ah bon ? Je crois que c'est la végétale. Je suis assez étonné. En fait, celle de Péroni aussi. Non, ce que je veux dire, c'est pas la bile humaine, monsieur. Ouais, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait. Eh ben oui. Fais pas semblant de t'intéresser, Fabrice. Vous avez tous vos vaccins, vous, monsieur Eboué ? Ah bah oui, avec mon fils, là, je suis à jour, moi. Ah oui, c'est vrai, parce que vous faites piquer en même temps que votre fils ? Non, pas en même temps, non, mais on veille à être à jour soi avant de le faire vacciner, déjà. Ah oui. Bah oui, c'est normal, pour rien lui refiler. Vous êtes un papa modèle, hein ? Ah, gâteau, même. Ah oui, hein, il a changé, ouais. Notre Fabrice Eboué, hein. C'est fou, ça, alors. Ah ouais, ça me passionne. Ah ouais. Et tu veux le garder ? Ouais. Tu vas garder le ticket au cas où, quand même, parce qu'on va chasser. Hein. Mais vous, par exemple, vous, pour le bercer le soir, vous chantez des petites. Ouais, un petit peu. Enfin, je mets le iPhone, quoi. Tu zouk ? Non, je fais pas de un peu de Francky Vincent, oui, pour l'endormir. Qu'est-ce que vous chantez pour J'essaye de chanter un peu de Bourvil, ça vous parle. Oh, ça alors Tu chantes du Bourvil Fais-nous une démo, imagine, on est là, on veut s'endormir. Oh non, mais... Moi, je chante... Moi, je chante... Quand... Oh, bah, maintenant, elle est un peu grande, mais quand je chantais, elle me regardait et puis elle me faisait... si, ça va. C'est bon, je vais dormir, mais sans ta gueule. Je vais y aller. Je te jure que c'est vrai. Elle est très, très polie, elle est très, très, elle veut pas me blesser, puis elle faisait, merci, madame. Elle se retournait. Et je l'ai toujours très mal pris. Ah bah oui. Elle a chanté toute la pluie tombe sur moi. Non, je lui sentais les roses blanches. Oh, mais c'est d'une tristesse. C'est pas très gai, ça, les roses blanches. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Médecin en chef, passe devant les lits. Puis c'est bon, ça va aller. C'est bon, ça va, maman. Je la connais pas, allez-y, allez-y. C'est quoi après anxieuse. Jusqu'au refrain, au moins. C'est aujourd'hui dimanche, c'est la magie, maman. Voici des roses blanches. Toi qui les aimes tant. Ouais, c'est quand même une histoire d'hôpital de mort. Et dans son petit lit blanc. Mais je m'en souviens plus vraiment. Elle est vraiment très polie, ta fille. Hein. Mais moi, je t'aurais craché à la gueule. C'est ce que sa mère faisait à la fille. Fabrice, lui chante quoi, toi ? Je m'appelle Émile Louis Joly. C'est fou, je vous imagine pas chanter au-dessus du berceau. Non, mais je mets l'iPhone, je connais pas bien ces chansons-là. Ah, vous mettez l'iPhone en haut, Marocain ? Non, mais je chante par-dessus, un orange et des choses comme ça. Ah, quoi. Monsieur se fait un fond sonore. Il est en karaoké. J'ai une playlist pour endormir mon fils. Ouais. Et vous, monsieur Boubi, en tant que footballeur, vous bercez vos enfants ? De quel âge ils ont d'abord ? Ah, moi, bercer mon fils à 15 ans, c'est compliqué. Ah oui. T'as un fils de 15 ans ? Il est footballeur. Non, il s'est fait avoir à 8 ans. Mais t'as quel âge ? T'es tout jeune. J'ai 32. Mais oui, mais les footballeurs... Il l'a fait à 17 ans. Le note. Il l'a fait à 17 ans. T'as un fils de 15 ans, mais j'essaye de calculer de tête. Il n'y a pas de capote dans ta région. 17. Mais non, mais en début de carrière, ils les casent, ils leur font faire un gamin, ils les mais fixent. Pourtant, on vous apprend à éviter ce genre de choses, quoi. Ouais, je suis tombé dans un guet-apens. Elle m'attendait au coin d'une rue là-bas et j'ai pas pu. Mais c'est toujours la même ? Vous êtes toujours. Non, en football, il y a ce qu'on appelle la femme de début de carrière. Mais c'était dans mon plan de carrière défini déjà avant. Ah, donc votre compagne du moment n'est pas la maman du petit, alors ? Non. Aïe, aïe, aïe. Il fait du foot, lui aussi ? Non. Ah. Et je vais l'éloigner au plus du milieu. Là. Je voudrais te dire que je ne te ferai jamais d'enfant dans le dos. Bah déjà, normalement, ça va être compliqué. Mais non, mais ça c'est m'arrange. Dingue quand même. Ouais. C'est top finalement. Ouais, bon, je m'en fous. Moi, mais c'est sympa d'avoir un enfant de 17 ans. Pour FIFA, pour jouer à FIFA, ouais. Et tu le revois à Noël là ou pas ? Ouais, je le revois à Noël. Ouais. J'ai préparé les trucs. On a fait d'autres après ? Une fille, ouais. Ah, quand même. Quel âge ? Avec citron, hein. Chaque goutte compte. Mais avec la même maman. Ah, j'ai tout fait d'un coup, comme ça je peux esquiver les enfants pendant un moment. Et puis, Mais je trouve ce mec bien, il est de mieux en mieux. Ça veut dire que il y a eu un petit accident de parcours, que le premier à 17 ans n'était pas voulu, mais tu es resté avec la mère, vous avez fait une petite fille derrière. Voilà. Et donc la et petite là, tu l'as quitté, il peut deux. Voilà, c'est ça, t'as bien résumé. Tu veux écrire un bouquin ? Et la fille à quel âge maintenant ? Elle a 10 ans. 10 ans. La mère ? Et donc. Non. Ah oui, mettons que ça tombe sur le coup de la loi. Mais non, c'est beau, c'est une longue histoire d'amour quand même. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Et alors, tu l'as quitté, le bébé avait 6 mois et après ? Non, je l'ai quitté, il avait. Mon fils avait 5 ans. Mais non, puisque t'as refait une fille. Ouais, mais ma fille avait 1 an. Et il a fait sa fille avant son fils qui est plus long, comprend rien à ton truc. Mais non, ma fille a 10 ans, donc je l'ai quitté quand elle avait 1 an, mon fils a 15 ans et je l'ai quitté. Il est... Ils sont pas forts pour les mathématiques, les footballeurs. C'est vrai que... Bah non, mais là c'est simple, parce que je raconte rien. C'est pas possible. Bah, c'est pas possible. Parce que quand le petit garçon avait 5 ans, Tu bon, n'avais pas encore fait la petite fille. Il avait 5 ans et 9 mois. Comblé. On demandera à Benzema, il a la sextape. Hein. Si, il avait 6 ans, la gamine 1 an, il quitte voilà. La maman, oui. Et puis maintenant, l'enfant a 15 ans et la petite, elle en a 10. 5 merci, ans. Enfin, je sais pas, merci c'est Isabelle. C'est pas possible, ils ont 17 et 10 ans. T'es sûr que t'es le père ou il va remplacer mais non. 15 et 10 ans. 15 17 il ans. Avait j'ai 17 pas fait un enfant ans. À 14 ans non plus. Il avait 17 ans. C'est toi. Je suis performant, mais quand même. Tu as tatoué la date de naissance. Non, c'est la sienne. Non, non, le dos, il a, par non, contre, non, le gamin, si, il a oui, un 5 ça. Dans le dos, c'est son numéro. Ou t'as mis un coup de poing sur l'oreille de ton chien, non? Non, non, non, là, c'est la date de naissance de mes enfants. Ah, voilà. C'est ça. Mais c'est pour pas oublier, en fait. Non, exactement. Non. Tu sais qu'il y a des post-it aussi, hein, ça existe. Autrement, il aurait pas su répondre à nos questions. Bah oui. Tout est écrit. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin ? Je suis au top. Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air. Wow. Et j'ai tout commandé sur oscaro.com. On va te déchirer sur la côte, Martin. Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, gagnez avec Vinci un an de télépéage valable sur toutes les autoroutes de France. Voir conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Eh bien, vous écoutez RTL et il est 17h. Les infos, Céline Landreau. Quatre prêtres ont été relevés de leur ministère par le cardinal Philippe Barbarin pour des faits d'abus sexuels. Décision prise après l'avis d'un collège d'experts, des faits connus de l'autorité judiciaire, précise le diocèse de Lyon. Le père Bernard Prénat, mis en examen en janvier pour des agressions sexuelles sur mineurs, avait déjà été relevé de ses fonctions l'été dernier. Il ne fait donc pas partie de ces quatre prêtres. Un nouveau revers judiciaire pour Bernard Tapie. La Cour de cassation a validé l'annulation de l'arbitrage dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Bernard Tapie avait reçu plus de 400 millions d'euros lors de cet arbitrage. En décembre, dans un autre arrêt, la justice avait déjà condamné l'homme d'affaires à rembourser la somme, ce qu'il n'a toujours pas fait. Ce nouveau rebondissement donc dans ce feuilleton vieux de plus de 20 ans, vous allez y revenir tout à l'heure dans RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Bonsoir Céline, absolument. Nous reviendrons donc sur la saga Tapie des 18h. On va vous expliquer si aujourd'hui on peut vraiment dire que l'homme d'affaires a tout perdu et ruiné. Vous entendrez son avocat, mais aussi Jean-Pierre Levade. Il sera notre invité, l'ancien patron du Crédit Lyonnais, son ennemi juré donc. Merci Marc-Olivier, on suivra ce feuilleton avec vous tout à l'heure à 18h. La loi travail ne servira strictement à rien en termes d'emploi, constat cinglant de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui s'est dit très pessimiste à la sortie de son entrevue avec Manuel Valls et Myriam El Khomri cet après-midi. L'exécutif poursuit ses consultations aujourd'hui sur l'épineux dossier du projet de loi travail. Les syndicats opposés au texte, de leur côté, ont déjà annoncé qu'ils poursuivraient le mouvement avec une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Une mesure court-termiste et électoraliste. Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, désapprouve l'extension de l'encadrement des loyers à 412 communes de l'agglomération parisienne. Annoncée par la ministre du Logement Emmanuelle Coste, la mesure doit permettre, selon elle, de redonner du pouvoir d'achat aux ménages concernés. Le Portugal de Cristiano Ronaldo arrivera-t-il à percer ce soir la défense polonaise? Premier quart de finale de l'Euro entre la Pologne et le Portugal, donc ce sera à 21h à Marseille et à vivre évidemment dans RTL Grand Soir d'Euro dès 20h. Et avant ce premier quart, votre rendez-vous pronostic, c'est maintenant avec Thibaut Geffrotin. Il concerne ce match, évidemment, Pologne-Portugal. Voici les cotes de ce premier quart de finale. 2,41 pour la victoire portugaise, 3,05 pour le match nul et 3,80 pour un succès polonais. Les cotes qui sont sujettes à évolution. Vous l'avez entendu, le Portugal favori pour ce match, même si les joueurs de Fernando Santos ont connu une première partie d'Euro très inaboutie. 3 matchs nuls en phase de poule face à l'Islande, l'Autriche et la Hongrie, ainsi qu'une laborieuse qualification en prolongation face à la Croatie en 8e de finale. Le Portugal qui sera privé de son latéral gauche du FC Lorient, Rafael Guerreiro. Côté polonais, on attend beaucoup de Robert Lewandowski, le buteur du Bayern, qui n'a pas encore marqué depuis le début de l'Euro. Pour l'instant, l'homme en forme de la Pologne s'appelle Jakub Błaszczykowski, surnommé Kuba. Prochain rendez-vous pronostic dans RTL Grand Soir d'Euro avec Agnès Bonfillon et Christophe Paco à partir de 20h. Merci Thibaut, à tout à l'heure. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax, site de paris sportifs en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RTL. Un mot du temps pour demain, ce sera encore bien maussade dans le nord et l'ouest du pays avec des averses, quelques trouées quand même dans l'après-midi. Sur le reste du pays, un ciel variable, plus instable en fin de journée sur le relief avec des averses et là encore une tendance orageuse. Les températures de 12 à 21 degrés demain matin. L'après-midi, vous aurez 17 degrés à Cherbourg, 21 degrés à Lille, 22 à Paris, 25 à Bordeaux, 27 degrés à Strasbourg, 30 à Perpignan ou encore 33 à la maximale à Nîmes. Il est 17h et presque 4 minutes. Vous êtes à l'écoute d'RTL et les grosses têtes reviennent maintenant avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergaux, Caroline Diamant, Laurent Baffy, Fabrice Éboué, Florian Gazan, Pierre Boubi. Et la question pour monsieur Jérémy Michel, maintenant qui habite Bruxelles, la question à 300 euros concerne François Ier. François Ier qui créa dès 1530 au Collège des lecteurs royaux un enseignement qu'on n'attendait pas à cette époque-là. Lequel ? La Zumba ? Sexuelle, éducation sexuelle. Du tout. La Zumba ? Est-ce que c'était un enseignement pour les femmes ? Pour les femmes, pour les hommes, enfin c'était surtout les hommes qui allaient à l'époque à l'école et dans les collèges. L'art de la guerre, de l'épée, du fleuret. C'était physique ? Physique, non. Écoutez, moi je pense que c'est un rapport avec la nourriture, c'était certainement de la gastronomie. Du tout. Apprendre le chinois. La musique ? Apprendre le chinois, non. C'est... La musique, non. C'est une langue ? Une langue, oui. Ah, l'anglais. Le latin. Le latin, l'anglais. L'allemand. Non. L'allemand, non. L'arabe. L'arabe. Bonne réponse de Caroline Diamant. Là, là, là, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas... Caroline ? Bruno, enlève cette perruque. Dès 1530, François Ier créa la première chaire d'arabe au Collège des lecteurs royaux, qu'on appelle aujourd'hui Collège de France. Et c'est vrai qu'on reparle évidemment de l'apprentissage de cette langue aujourd'hui mal aimée, dit le Figaro. Et c'est vrai que pourtant, François Ier fut le premier à vouloir qu'on apprenne l'arabe en France dès 1530. C'est lié aux croisades, non, certainement. Évidemment, monsieur Éboué. Oui, donc c'était pas dans une optique extrêmement positive qu'il voulait qu'on apprenne la langue. Mais l'arabe est partout, il y a plein de mots qui sont tirés de l'arabe. Ah bah, évidemment. Moi, ah bah, par exemple, chez moi, j'en ai complasme. Et j'ai également la waifé. Tout ça est très moderne. Il y a 3 millions de Français qui parlent arabe, sachez-le, sur notre territoire quand même. Non, qui parlent plutôt l'arabe d'Algérie ou du Maroc. Et généralement, ils ne comprennent pas l'arabe classique. Ah, vous allez nous donner des cours d'arabe, vous peut-être. Ah non, parce que j'ai été avec ma copine d'origine marocaine en Égypte. On s'est dit, chouette, tu vas pouvoir comprendre et parler. Elle n'habitait pas un mot, donc... C'est tellement différent. Ah bah oui. Ah, elle parle arabe, votre copine, alors? Bah non, elle parle l'arabe du Maroc. C'est pour ça que je dis, c'est différent, quoi. Donc, quand on dit l'arabe, c'est elle un peu vague. Elle vous insulte parfois en marocain, alors? Ouais, elle lui dit chouf chouf, il a fait caca le pied. Non mais ce genre de mots, oui, évidemment. Ah quoi. Oui, ça elle le fait. Alors. Oui, les chouf chou, des choses comme et ça. Et alors en Égypte, pas un mot. En Égypte, pas un mot. Vous avez cru qu'elle vous avait menti alors. Non mais c'est incroyable, c'est la différence quoi. Ils ne comprennent rien quoi. Si ça se trouve, elle parle pas arabe du tout en fait. Ouais, ça se trouve elle est bretonne. Non mais c'est un non, dialecte. Mais je pensais qu'il y avait plus de points communs quand même mais entre moi aussi, voilà ça. Qu'il y avait la possibilité comme tu vois l'anglais d'Australie, l'anglais des États-Unis, l'anglais d'Angleterre, ils se comprennent. Tandis que là carrément ils se comprennent pas. Mais après tout, vous êtes obligé de lui parler. Ouais. Tu vas foutre la merde dans mon couple. Il y a des étrangers dans le club d'Orléans, monsieur Boubi ? Non, non, il n'y a que ça à Orléans. Non, mais sérieusement ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, oui. Alors, racontez-nous, il y a quelle nationalité ? Ah, bah nous, on passe nos journées dans le vestiaire à danser, nous. Hein. C'est-à-dire ? Ah, bah, c'est-à-dire musique à fond et ça remue le popotin. Et hein. Ça te complexe pas ? Ouais. Non, moi, j'ai aucun complexe, moi. Hein. Tant mieux, s'ils veulent s'amuser, il n'y a pas de souci. Mais attendez, je comprends pas. Il y a que des joueurs africains, tu veux vous dire ? Avez des joueurs ? Ouais. Il y a plus de la moitié de l'équipe qui est d'origine africaine. Ah oui ? Ah, oui. C'est pour ça que vous dansez, donc. Bah, c'est pour ça qu'ils dansent. Moi, je les regarde et je filme, j'en vois après. C'est, voilà, c'est, ils sont doués quand même. Comment ils s'appellent vos collègues footballeurs? Alors, qu'on les salue. L'ambianceur de l'équipe, c'est Omar Sissoko. Ouais. Qui est international malien. Il y a toujours un Sissoko dans une équipe, c'est ouais, Sissoko, ouais, normalement, il y en a un par équipe. Bon, alors, Sissoko, il joue où, Sissoko, lui? Bah, il joue avec moi. Oui, mais quel poste? Dans les buts. Dans les buts. C'est un gardien de but. Ah, c'est gardien de but. Plusieurs dans les buts? Pardon? Vous êtes plusieurs. Mais non, il n'y a pas Sissoko, il y en a qu'un. C'est ça que t'avais compris? C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu m'allumes. Tu pars d'encore plus loin que moi et je partais de loin. Oh la vache. Alors, c'est marrant, là-dessous me manque. Sissoko dans les buts. Ensuite, en défense. Il y a Youssouf. Après, il y a Nicolas Saint-Ruf qui est un Antillais. Après, il y a Antar Yahia. En défense, c'est pas un Ivoirien? pas mal. Pas mal. Et vous, vous êtes au milieu ? Voilà, moi je suis au milieu. Moi. Avec qui au milieu ? Avec Jean-Eudes et Oulou. Ah oui ? Et le milieu, c'est quoi ? C'est numéro 10 ? Non, c'est numéro 6. Ouais, enfin, il y a le 10 aussi, mais bon. Toi, t'es 6, toi. Et ouais, l'avant-centre, comment il s'appelle, l'avant-centre ? L'avant-centre, on en a deux. Il s'appelle Kevin Dupuis et Romain Armand. Kevin Dupuis. Alors évidemment, ce qu'on met devant, c'est les gens qui ont des noms normaux, monsieur. C'est ça, c'est ça, Kevin, les Orléans. Kevin Dupuis. On essaie de faire en sorte que ceux qui marquent soient blancs. Et l'entraîneur, alors ? Olivier Frappoli, un blanc aussi. Ah oui, oui. Et il est sympa, l'entraîneur ? Oui. Ouais, oui, bah oui, je joue, donc il est sympa. Bah oui, évidemment, oui, c'est tout le problème. Quand on, alors quand on est dans le pif de l'entraîneur, c'est ça le problème, parce qu'on reste sur le banc de touche, évidemment. Oui, après, c'est compliqué. Ah, c'est pour ça qu'il a fait deux gosses à sa fille. Ah oui, ça c'est vrai, les entraîneurs parfois ont des filles que les joueurs draguent, non? Bah ça arrive, mais faut pas les emmener. Comment ça? C'est dangereux, pas... c'est dangereux quand on est c'est coach. C'est dangereux. C'est dangereux quand on est coach. Lapsus qui ne s'explique pas. Quel lapsus dans le nœud? T'as dit c'est dans le nœud. Eh ben. On le dire c'est dangereux. Elle est amoureuse. Ouais. C'est vrai, quand elle est agressive comme ça, c'est souvent qu'elle est amoureuse. Non. Il y a un chant de supporters à Orléans qu'on apprenne parce qu'on va venir vous voir la saison prochaine. Il y a un chant, mais je sais pas lequel. Il y a un chant, mais il y a pas de supporters. Il y a un chant au milieu du stade. Ils sont, je sais pas combien ils sont. Ouais, il y a des supporters qui viennent nous encourager, qui font les déplacements et tout. D'ailleurs, c'est. La prochaine fois, revenez avec le chant de supporters quand même qu'on l'apprenne parce qu'on ira tous ensemble dans les gradins, Caroline. Ah, j'ai judo moi. Ouais, gradins, Caroline. C'est pas possible. Non, mais en fait, vous n'êtes pas du tout connu. Ah, moi, non, absolument pas. Mais je ne sais même pas ce que je fais là, à la base. Je te rassure, moi aussi. Il s'est fait connaître sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Oui, mais pour un footballeur, il vaut mieux se faire connaître sur un comment ça s'appelle ? Mais quand on ne peut pas se faire connaître sur un terrain, on se fait connaître autrement. Oh, ça, je suis bien d'accord. Oui, tu sais de quoi je parle, toi. Oui, ça, c'est sûr. Vous voulez qu'il se fasse connaître sur Vorin, c'est ça ? Non, sur le terrain. J'aimerais bien avoir un joueur de foot que tout le monde soit hystérique. On a, ouais, tu le connais, c'est pas vrai, tu le connais. Mais moi, j'ai parlé de toi et on m'a dit, ah bon ? Ben, c'est normal. Ça. Très mauvaise stratégie. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,06 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl ? Comment ça ? Ah bah oui, le melon quoi. Ah, très drôle. Bah, si on veut. Demain et après-demain, ils font le melon charentais jaune à 1,49 € la pièce. 1,49 € le melon charentais, chez Lidl. Et jaune. C'est ça. Et origine France en plus. Et le goût, j'en parle même pas. M'en parle pas. Tu sais qu'on est mal, là, oui ? Oui, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 800-950, origine France. RTL. Il est 17h11, l'heure de retrouver Bernard Glass qui est à Vichy aujourd'hui pour l'arrivée des courses. Tout à fait, Virginie, bonjour. Bonjour. Pour l'arrivée du Quintet, je vous rappelle, bien entendu, c'était la troisième épreuve, le numéro plus 1671. Et la bonne combinaison que je vous ai indiquée, mais c'était des favoris, le 13, le 7, le 4, le 16 et le 9. Tout de même, il fallait les donner. L'arrivée de la septième épreuve, la victoire est pour le 11, Babette de Banne, de 20 et 1,40 devant le 15, Balika, 2 euros et le 9, Bagatelle Dupont, de 64e place pour le 6. Et puis la huitième et dernière a vu le succès du 11, Harry Beau Mix, 5,20 et 1,50 devant le 7, Bachar, 1,40 et la Sapache, 3 euros, 4e place pour le 8, 11,7 à suite, la 8e et dernière. Les courses sont terminées cet après-midi à Vichy. Rendez-vous demain soir à Vincennes pour le quintet de résultats complets. Les pronostics pour demain, bien sûr, le Virginie, le répondeur 3210 et le site refaitlescourses.fr. Et on sera avec vous à Vincennes demain. Merci. Oh, cadeau sympa pour bien commencer les vacances. Cette semaine, à l'occasion de la tournée Folieux sur mer, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne de RTL se voient offrir par les éditions Folio et RTL une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lesite.fr. Un cadeau que recevra, quoi qu'il en soit, l'auditeur face aux grosses têtes. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Philippe Delplan est au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous habitez Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Que faites-vous dans la vie ? Je suis cuisinier. Cuisinier. Cuisinier. Dans un restaurant, dans un établissement, dans... Dans un collège. Dans un collège, j'étais sûr. De la malbouffe, donc. C'est qui parlait de malbouffe, là ? C'est Monsieur Baffy. C'est Baffy. Ah, ça m'étonne pas, lui. À part dire des bêtises, il sait pas faire grand-chose. Écoute, ça... le roi de la salmonellose, un jour je serai président et t'auras l'hygiène au cul, d'accord ? Comment il s'appelle le collège à Montauban ? C'est le lycée Théas. Le lycée Théas, très bien. En tout cas, Philippe, on va vous souhaiter de gagner le challenge du jour et de partir en voyage avec RTL. Mais pour ça, il va falloir répondre à une question football. Vous suivez l'Euro 2016 ? Un petit peu. Bon, alors évidemment, on ne peut pas savoir encore qui jouera la finale le 10 juillet prochain. Ça s'arrête le 10 juillet. Ceux qui en ont déjà marre, il faut quand même qu'ils le sachent, c'est jusqu'au 10 juillet. En 2012, puisque c'est tous les 4 ans, hein, l'Euro, c'est comme la Coupe du Monde, comme le Mondial, évidemment. Tous les 4 ans, ça alterne. Tous les 2 ans, vous avez ou Coupe du Monde ou Championnat d'Europe. Donc, c'était en 2012, la dernière fois. Pouvez-vous me dire quelle est l'équipe qui a été battue 4-0 en finale par l'Espagne ? Qui a perdu la finale en 2012 contre l'Espagne. Contre l'Espagne, 4-0. Ouais. 4-0. Allez, tac, tac, tac, tac. C'était un mondial ? Ça se passait à Kiev, en Ukraine. Tu sais, toi ? Bah oui. Ah ouais, il a pas de vie. Boubi, vous savez ? Ouais, je pense aussi, ouais. Ah bah voyez. Moi, je peux trouver. Allez, hein. Philippe. On vous laisse encore 5 secondes. Pays européen, ça devrait pas être très compliqué. Mais tape sur ton ordi. Et lance des noms. Les pays européens qui arrivent en finale. L'Allemagne, non. Mais tu mets Euro 2012, allez, résultat. Allez, Philippe, il y a des gros pays. Mais de balancer. La Hollande, non. Arrête de faire. L'Angleterre, non, alors. L'Italie. C'est l'Italie. L'Italie. Bonne réponse de Florian Gazan. Désolé, Philippe. C'est pas grave, c'était un plaisir de jouer, quoi. On n'a que des perdants aujourd'hui. Quelle est votre équipe préférée, vous, Philippe ? Bah, c'est la France. Évidemment. Bien sûr. Et votre joueur préféré en équipe de France, à part Pierre Boubi, évidemment. Bah, tape sur Internet. Comment ? Wayne Rooney. Ouais, en équipe de France, en ça, équipe va être de... Dur, ça va être compliqué par contre. Ah, là. Il connaît bien. Hein. Ça, c'est l'Angleterre, Philippe. C'est important de mélanger. Bah oui, vous avez raison. Je sais pas ce que vous mélangez à la cantine, mais j'ai pas envie de bouffer. Je vais vous envoyer une montre RTL, Philippe, d'accord ? Je vous remercie. Puisque vous avez perdu, je suis désolé, le challenge du jour, une montre RTL et un cahier de vacances. Vous pourrez jouer ainsi avec les grosses têtes pendant tout l'été. Ça vous va ? C'est impeccable. Est-ce que vous avez un petit message ? Profitez de l'antenne de la station avant les vacances. Juste embrasser ma princesse et mes amis. Voilà, ça sera tout. Oh, c'est joli. Comment elle s'appelle, votre princesse ? Corinne. Ben ah oui, il n'y a pas une petite montre pour Corinne ? Oh, bah une montre femme alors pour Corinne. Eh ben c'est génial. Comme ça, vous aurez la même montre l'un et l'autre. C'est beau. Waouh. Vous retrouverez dans les soirées, c'est mignon. Ça vous fait. Philippe ? Oui ? Tu veux me faire plaisir ? Dis-moi. Raccroche. Vous laissez pas faire, Philippe. Restez fidèle aux grosses têtes et à RTL. Et je vais enfoncer le clou, Philippe. Vous venez de passer à côté d'un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans une jolie maisonnette à la résidence Odalis, le domaine des Hauts de Salavas, qui se trouve à Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche, situé au cœur d'un magnifique domaine vallonné à deux pas de la grotte Chauvet, deux piscines extérieures, aire de jeu pour les enfants, terrain multisport. Odalis, c'est 270 résidences, hôtels et campings mobiles home à la mer, à la montagne et à la campagne. Pour en savoir plus, odalis-vacances.com. Les grosses têtes sur RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi. Vous êtes très nombreux à me dire que l'actualité va trop vite, qu'un débat en chasse un autre, et finalement que d'info en info, on perd le fil de la réalité. C'est pour ça que chaque matin sur RTL, notre priorité c'est de prendre le temps de nous arrêter pour réfléchir, du temps pour découvrir les faits, pour les analyser, et finalement en débattre et trancher. C'est vrai que c'est impeccable, des bonnes synthèses, parfait. Avec François Langlais, Alba Ventura, Olivier Mazerolle et toute l'équipe d'RTL Matin, c'est la promesse que nous tenons chaque jour dès 7h. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Alors à demain, Président Gérard, 7h-9h30 sur RTL. Waouh, elles sont top toutes les trois. Enfin Bruno, vous êtes marié. Mais je parle des Top First Top. Jusqu'à 100€ offerts sur l'entretien auto, c'est top. Jusqu'à 150€ sur les pneus Bridgestone, c'est top. Plus 19 points de contrôle gratuit, c'est top. Cet été pour les offres top, rendez-vous chez First Stop. Dans les 340 centres auto First Stop, jusqu'à 100€ offerts sur l'entretien auto, jusqu'à 150€ sur les pneus Bridgestone, plus le contrôle sécurité gratuit. Centre auto First Stop, les centres top. Offre valable jusqu'au 30 juillet. Conditions dans les centres Auto First Stop participants. Moi, j'ai eu une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août, Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Géant, les soldes battent-leur plein chez Géant. Des remises géantes vous attendent sur des milliers d'articles multimédia, maison, loisirs. Par exemple, la TV LED Thomson 102 cm est soldée à 299 euros au lieu de 449 euros, soit une économie de 150 euros. Et c'est seulement chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Soldes du 22 juin au 2 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes continuent sur RTL. Une question maintenant pour Thibaut Aubertin qui habite Étampes. Pour quelle raison connaît-on si bien les muscles de Georges Dallière? Parce qu'on, comment quand ça on rit, on les sollicite. Non. C'est quand, oui, c'est quand on rit, non. Comment vous écrivez Dallière? D-Y-E-R. Il a servi de modèle à une statue célèbre? Une statue célèbre, non. Un écorché? Un écorché, qu'est-ce que vous appelez un écorché? Ben, c'est un écorché, c'est une peinture où la personne est écorchée vive. Léonard de Vinci, on a fait pas mal. Alors vous rapprochez, vous brûlez. Est-ce que c'est un rapport célèbre. Avec la médecine légiste? Non. Pour c'est une toile célèbre? Plusieurs toiles célèbres. Bacon? Effectivement, ce sont essentiellement les toiles de Francis Bacon. Bonne réponse de Laurent Baffy. Puisque Francis Bacon a très souvent peint les muscles saillants, vous avez raison, écorchés de son amant. C'était d'ailleurs son amant, Georges Dallière. Il faut même savoir que c'est Daniel Craig, vous savez, le James Bond actuel, qui à l'écran a joué Georges Dallière dans qui un... Qui l'appelait le salami. On l'appelait Bacon et salami. Non, non, non. Mais la vie de Francis Bacon a été portée à l'écran et c'est Daniel Craig qui a joué le rôle de Mr. D'ailleurs, celui qui, un peu comme Isabelle Mergault il y a quelques années, la muse, Eugène Boudin, a servi de modèle. Ben non, mais c'est vrai, là. Et les peintres ont comme ça leur muse. Alors là, c'était un homme pour Bacon, mais. Je comprends pas un truc. Quand on aime un homme et qu'il a des beaux muscles, pourquoi est-ce qu'on arrache la peau pour peindre ce qu'il y a en dessous? Ah, oh ben on s'appelle pas Bacon pour rien, ouais, voyez. Ouais, oui, alors, ce muscle a pris le nom de... Non, je crois qu'elle a pas compris la question. Attendez là. Il n'existait pas ce muscle avant et on lui a donné le c'est nom de. C'est pas le muscle, il n'y a pas de muscle qui porte ce attends, nom. Toi, tu penses que tu as un muscle dans le corps qui s'appelle le Dallière? Oui, là. Mais c'est pas ça du tout. Le derrière, tu veux dire? La question, c'était pour quelle raison connaît-on si bien les muscles de monsieur Dallière? Ah, j'avais compris le muscle Dallière. Ah, d'accord, ok. Oh putain, tu pars de loin. C'est beau Bacon quand même. Ouais, mais c'est un peu torturé quand même. Hein. Ah bah au oui. Petit déjeuner en tout c'est cas. Très, c'est très très torturé. Les musulmans, ils ont le droit de voir des tableaux de Francis non. Bacon ou pas? Interdit. Justement, j'ai une autre question. Alors, ça dépend des musulmans. Ah oui, c'est bien placé. En Égypte, oui, au Maroc, non, en fait. J'ai encore une question artistique pour Magali Collat, qui habite Vitry-aux-Loges. Et la question concerne l'œuvre d'art datant de 1919, signée Marcel Duchamp, œuvre d'art parodiant la Joconde. Comment s'appelle cette œuvre d'art? Elle s'appelle « Elle a chaud au cul ». L-H-O-O-Q. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est quoi ça? Eh oui. Il se trouve que Marcel Duchamp a fait effectivement une parodie de la Joconde. Il lui a évidemment, il a un peu métamorphosé hein, cette Joconde. Il a surtout donné au tableau un titre original, uniquement en lettres, un L, un H, un O, un deuxième O et un Q. L, H, O, O, Q. C'est le sous-titre donné par Marcel Duchamp à cette parodie de la Joconde. Ça fait loc? Comment ça fait loc? Oui, mais si vous lisez les lettres... Écoutez, Isabelle Mergault, ne gâchez pas l'œuvre de Duchamp, vous voyez. C'est Duchamp aussi qui a fait le fameux urinoir, par exemple. Oui, d'accord, mais j'ai le droit de dire que ça fait loc. Oui, bien sûr, ça fait loc. Laissez oui. pisser, Laurent, laissez non, pisser. Non, mais si tu veux nous impressionner en montrant que tu sais lire, c'est vrai que ça fait un peu de peine. C'est un format portrait proche, hein, d'ailleurs, de l'original, la Joconde de Duchamp, mais avec quoi en plus? Une... Moustache. Une moustache, exactement. Il a ajouté une moustache, un bouc. Aussi, elle est un peu barbue, la Joconde, ouais. sur la toile de Duchamp. Et il a ajouté ses fameuses lettres, les cinq lettres L-H-O-O-Q. Si quelqu'un, et ce sera la question suivante pour Martine Aubert, qui habite Seloncourt, si quelqu'un vous souffle dans l'oreille le code 18, qu'essaye-t-il de vous dire ? Position du Kama Sutra ? Non. Eh ben, c'est les pompiers, le 18. Non. Donc ça veut dire suce-moi ? Non. Ok, je sais ce que je te dirai la prochaine fois. Non, c'est un signe de reconnaissance discret. Ah, c'est les francs-macs ? Non, les francs-maçons, non. C'est un gang ? 18, un gang. Partouze. Non, partouze, non. Ça a rien à voir avec la Mara en Colombie. Non, non, Est-ce non. Est-ce que ça a un rapport avec un groupe musical ? Est-ce que oh c'est... non, non. Ça marche en France ou à l'international ? Ah, ça marche à Et l'international. C'est raélien. Ce n'est pas raélien. C'est plutôt c'est les scientologues. Scientologues, non. Négatif. C'est une secte. C'est négatif. Alors, ce n'est pas une secte, mais c'est quand même un groupe. Ancien alcoolique. Non, non. Les évangélistes. Un groupe anonyme ? Les évangélistes, les non. Les hémorroïdes anonymes. C'est un groupe anonyme. Mais attendez, pourquoi on se dit ce numéro ? C'est pour savoir qu'on appartient tous les deux. Si je vous dis 18, vous savez que vous et moi, on pense à peu près la même chose. Les Amish. Les anarchistes. Mais vous pouvez trouver, hein. 18, ça veut dire quelque chose. Ah, si on l'écrit. Ah, les 18, ils étaient 18 à l'origine. C'est un code. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on soutient Donald Trump. Non. Est-ce que ça a un rapport avec le signe de l'infini et le 1 ? 18, de c'est le 1 à l'infini. Non. Est-ce que... Alors, attendez. Autre question. Ça fait longtemps que ça existe, ce... Ah, ça fait un petit moment. Genre... Oui. Les derniers à voter François Hollande. Non. Les Templiers, C'est pas les apôtres qui n'ont pas pu rentrer au resto ? Non. Est-ce que ça a un rapport peut-être avec un nombre de planètes ? Non. Et ce sont les martiens. 300 ans ? Notez, ça a 300 ans ? Non, notez sur votre papier 1 ah, et 8. Ouais. Et là, vous allez évidemment trouver le code. À quoi cela correspond ? 9, 1 plus 8. Ça fait des lunettes quand on renverse ? Non. Alors, faut le regarder dans quel sens ? Ah, c'est un apéritif ! C'est-à-dire ? Bah, je sais pas combien le ah, c'est le, un, je crois 18. C'est un nom de code pour une fête internet, un truc non, comme ça. Non, du tout. Est-ce que c'est... Attendez, moi, c'est un code d'entrée ? À quel siècle ça a commencé, le 18 ? Ah, ça a commencé... Au 17e ? Au siècle dernier. Ah, est-ce que ça pourrait au 20e. Avoir, est-ce que ça représente un idiogramme qui, du coup, a une signification quand on écrit 18 ? Non. Les personnes non. qui sont encore vivantes, qui sont nées au 19e siècle ? Non. Les idées royalistes ? Non. Les Illuminati ? Non. Est-ce qu'il faut voir quand on écrit ce chiffre ? Mais oui, qu'on est con. Est-ce que... Allez-y. Oui, faut pas l'écrire en chiffre égyptien, faut l'écrire en chiffre romain. Du tout. Mais qu'on est con, c'est qu'on est con. Est-ce que il faut y voir que les chiffres ou alors autre chose ? Par exemple, moi je peux voir un petit bonhomme de neige. Ça fait un sablier un peu. Non, c'est un code. Le 1 veut dire quelque chose et le 8 veut dire autre chose. La date de naissance à un garçon. Est-ce que c'est les lettres de l'alphabet ? La première et la de 8e. Oui. A A, B, C, D, E, F, G, H, A, H, A, A Ah, haute, haute, intelligence. A, H, A, H. Non, intelligence artificielle. Non. Ah, Hitler, non. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Adolf Hitler, Adolf Hitler, ça veut dire. Ça veut dire Adolf Hitler, 18, première et 8e lettre de l'alphabet. Ça veut dire Adolf Hitler et on est dans ces cas-là entre nazis. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est dégueulasse. J'aurais pas pu trouver. Moi, je fais souvent des soirées nazies, on se dit jamais ça. Hein. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Chérie, pour les vacances, t'oublies pas qu'on prend ma mère. Ça, je suis pas prêt de l'oublier. Quoi ? Je disais, j'emmène la voiture chez Euromaster. Ta mère sera plus tranquille. En plus, ils font des super remises. Alors là, je te tire mon château. Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Profitez d'offres expertissimes sur les freins, la clim, la révision et la vidange avec Bosch et Shell. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 21 août. Conditions sur Euromaster.fr. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas une douche à l'italienne. Oh non, ça c'est une douche froide. Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 279€ seulement, la paroi fixe de douche cube, idéale pour douche à l'italienne, avec son verre de sécurité 8 mm transparent et sa barre de stabilisation recoupable. Garantie 5 ans incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin... Et vos envies prennent vie? C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Carrefour. Dis maman, t'es au courant qu'en ce moment c'est la deuxième démarque chez Carrefour? Ah bon, une deuxième démarque? Mais c'est sur quoi? Alors écoute-moi bien, on a jusqu'à 70% d'économies sur encore plus d'articles au rayon textile. Mais c'est super ça! Allez viens, on va chez Carrefour toutes les deux. Tu vas pas en croire tes yeux. Les soldes continuent sur encore plus d'articles chez Carrefour. Profitez d'économies allant jusqu'à 70% sur le rayon textile. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, parce que pour ces 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 gigas d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. Elles sont avec vous jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier, et elles s'appellent Isabelle Mergault, Laurent Baffy, Caroline Diamant, Florian Gazan et Fabrice Eboué. Une question pour Marie Flonnier, qui habite Bétonvilliers, c'est dans le territoire de Belfort. On est en 1858. Un joueur de cricket qui s'appelle Stephenson réussit à faire quelque chose d'incroyable que peu de gens avant lui avaient réussi à faire. Et d'ailleurs, pour marquer cet événement, une quête a été effectuée en son honneur. Et depuis, une célèbre expression court toujours. Laquelle ? Cricket. Bonjour d'Alfred. Le sport le plus incompréhensible au monde. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il cricket. A réussi à faire un coup incroyable qui n'a jamais été reproduit. Ah si, ça a été reproduit depuis. Le cricket, il a fait un sans-faute. Il a fait, non, pas un sans-faute. Mais c'est dans le sport en lui-même. Hein. C'est en sport, évidemment. Il était invalide. Mais son expression, évidemment, a traversé son sport à lui. Le plein des voix? Non. Il a fait zéro point? Non. C'est une expression qu'on utilise. Ah, il y a une chose importante là-dedans, c'est que... On a fait une quête. Monsieur Stephenson, effectivement, a réalisé un exploit sportif au cricket. Ensuite, pour le récompenser, on a fait une quête. Ça, le fait qu'on fasse une quête est très important. Ça veut dire qu'il était pauvre ou il était invalide ou il avait besoin d'argent, en tout cas. En tout cas, le fait qu'on ait fait une quête va vous aider à trouver l'expression sportive. Il est mort à la fin de l'effort. Non. Ça va nous aider la quête pour une expression sportive qu'utilise peut-être Monsieur Boubi. L'expression sportive. Pardon. Vous voulez savoir quoi l'expression? C'est une expression de football. L'expression sportive. Cherchez pas vous. Est-ce que c'est une expression de football? Ça marche dans le football. Dans tous les sports, ça marche. Je crois que ça marche ailleurs, mais ça marche essentiellement dans le football. Partout dans les sports où il y a des points. Est-ce qu'on la sort du contexte sportif de temps en temps? Parfois. C'est ça qu'il faut trouver, l'expression. Souffler n'est pas joué. Non. Un grand chelem, non, mais c'est du genre. Est-ce que si on trouve la façon dont il a joué le coup, ça va nous aider pour l'expression? Ça peut vous aider. Le coup du sombrero. C'est tout prêt. Le coup du chapeau. Bonne réponse de Pierre Bouvier, Florian Gazan. Wow. Le coup du chapeau, le hat-trick, vous pouvez expliquer ce que c'est en football? C'est quand on met trois buts dans un même match. Voilà, ouais. Dans un même match, si vous mettez trois buts, on dit que vous avez réussi. Et comment tu connais cette expression, toi? Parce que j'ai vu les autres le faire, c'est pour ça. One-trick. Vous avez réussi le coup du chapeau, en effet, en 1858. Alors là, c'était pas au football, c'était au cricket. Ce célèbre joueur de cricket, Monsieur Stephenson, a réussi à faire tomber trois guichets. Alors, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Il est piqué, quasiment. Alors voilà, ce qui élimine, paraît-il, le batteur, en trois lancer consécutif. Il a fait tomber les trois piquets, les trois guichets. Et ça, c'est très très rare de le faire comme ça en trois lancers. Si bien que ça a été un exploit sportif. Pour marquer l'événement, on a fait une quête avec un chapeau. Et évidemment, on a appelé ça le coup du chapeau. Ils sont très peu les footballeurs qui font des hat-tricks, il faut bien dire. Ça faut que ce soit le même footballeur, Laurent. Ah bah oui. Ouais, c'est mieux, ouais. Surtout que le vrai hat-trick, c'est trois buts consécutifs. Ouais, là, l'air devient... On la retrouve, notre Caroline. L'air devient con, c'est bien. Là, on sent qu'il y a eu redépôt de cerveau. Ah, c'est important ce que vous dites. C'est pas trois buts dans un même match, c'est trois buts consécutifs. Le vrai hat-trick, c'est trois buts consécutifs. Si vous en mettez deux, qu'il y a un autre joueur qui marque un but et que vous remettez un quatrième, c'est pas un vrai hat-trick. Aïe, aïe, aïe. C'est jamais. Alors. Ah ouais. Voilà, c'est très dur alors, vraiment. Ah bah, c'est très, très dur. Oui. Alors, comme lui, alors trois lancers consécutifs. Voilà. Vous avez raison, c'est ça le coup du chapeau, c'est ça le hat-trick. Et ça date de 1858, cette expression, à l'époque, une expression venue du cricket. Maintenant, je vais vous parler, et ce sera une question pour Gilliane Rocard, qui habite Nallier, en Vendée, de Guillaume Gouix. Guillaume Gouix, il a 32 ans, c'est un acteur que vous avez peut-être vu déjà dans certains films, un jeune acteur, pas encore ultra connu, mais qu'on a pu apercevoir. Peut-être vous, Isabelle Mergault, qui vous intéressez au cinéma, qui êtes réalisatrice, avez déjà repéré Guillaume Gouix, non? Ouais. Dans... Gouix. Vous dites Gouix ou dans... Gouix, pardon. Oh, on dit comme vous voulez. Si vous voulez, il est le compagnon de l'actrice Gouix. Alison Paradis, vous voyez? D'accord. Ouais. D'accord, mais c'est avec un G, c'est ça, c'est pas le fils d'Evelyne. En fait, c'est Gouix. Le beau-frère de Vanessa Paradis. D'accord. Ça vous va, ça, comme très explication? Bien. Gouix. Parfait, alors je vois. Voilà. Et donc, Guillaume Gouix, vous l'avez vu dans peut-être différents. Plein de choses. Dans quoi vous l'avez vu? Les gens d'ailleurs. Le dème de Gouix. Non, par exemple, dans Sous les jupes des filles, voilà. Dans Braqueur, voilà. Dans Les rois du monde. Voilà. Ça me revient. Dans Enragé. Dans Gouix. Dans La French, vous voyez. Voilà. C'est un acteur qui tourne beaucoup. Oui, oui, il monte. Il monte. Ben, il monte énormément. Ben, au point qu'il va avoir un vrai premier rôle, puisqu'il va avoir le rôle titre d'un film qui sera évidemment un biopic. Mais justement, quelle personnalité va-t-il jouer à l'écran dans un film qui va se tourner bientôt? Mike Brandt, non. Il porte souvent la barbe. Il va jouer d'ailleurs, c'est ça qui est assez rare. Osama Ben Laden? Non. Il va jouer quelqu'un qui vit encore. Ah, c'est un fait divers. Mais qui évidemment est aujourd'hui trop vieux, même s'il n'a que 61 ans, pour jouer son biopic. C'est quelqu'un de très connu? Quelqu'un de très très connu. Est-ce que c'est pas, il va pas jouer le photographe Jean-Marie Bagné? Non. François-Marie d'abord, mais ce n'est pas lui. Est-ce que c'est lié à un fait divers, comme on y a eu un film là, récemment sur Kerviel? Est-ce que c'est un truc comme ça? Un fait divers? Non. Est-ce que c'est un artiste? Artiste, non. Ce n'est pas le mot. Un homme politique. Artiste à sa façon. Un sportif. Ah, je l'ai lu. Un cycliste. Français. Un cycliste, non. Français, oui. Un footballeur, Michel Platini. Un footballeur, non. Un boxeur, non. Un tennisman, non plus. Attends, un sport individuel. Un sport individuel, oui. Un skieur, non. Il va jouer Yannick Noah. Non. Il va jouer un nageur. Un nageur, non. Et non. Un navigateur. Un perchiste. Quelqu'un qui a 61 ans aujourd'hui. Et ce film, effectivement, va rappeler les grands événements de l'année 1993, surtout. Ah bon, un cavalier 93, non. Formule 1 qui surgit. Formule 1, oui. Il va jouer à Alain Prost. Bonne réponse de Florian Gazan. Guillaume Gouix va interpréter Alain Prost à l'écran et évidemment on verra le fameux duel avec le Brésilien Ayrton Senna. Je sais pas encore qui jouera. C'est moi. C'est un petit rôle, hein, c'est 10 minutes. C'est Christina Cordula qui fera Ayrton Senna. C'est quand même un duel incroyable, souvenez-vous. Plus jeunes, évidemment, ne peuvent pas se rappeler de ce... Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ils se détestaient et on ne pouvait pas imaginer qu'un jour, Prost porte le cercueil de Senna. Évidemment. Senna qui est mort sur un circuit, rappelons-le, mais le film, attention, c'est un biopic sur Alain Prost et pas sur Ayrton Senna. Et c'est donc le jeune acteur de 31 ans, Guillaume Gouix, qui jouera Prost au cinéma très bientôt. Que quelques secondes avant la mi-temps. Ah là là, quelle pression! Il faut absolument garder l'avantage! Mais siffle! Allez, regarde ton chrono! Et c'est le coup d'envoi dans votre micro-ondes avec les burgers Charal. Vous allez aimer la mi-temps. À découvrir au rayon boucherie et surgelé. Charal! Pour votre santé, bougez plus. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Dis, et si tu m'emmenais en voyage? Oh là, Parce que pour ces 20 ans, Bouygues Télécom offre 5 Go d'internet à ses clients, SMS et appels illimités depuis l'Europe. Ah bah dans ce cas, on part à la plage. On va surfer comme des malades. Mais oui! Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous vous réservons pour cet été. Appels et SMS illimités, plus 5 gigas d'internet offerts partout en Europe pendant un mois. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition à partir du forfait 3 gigas. À pied, à vélo ou en voiture, tous les chemins mènent au camping. On s'est dit que comme le covoiturage s'était plutôt bien passé, peut-être qu'on pourrait partager votre tente. Un co-couchage, quoi. Camping 3. Je vous rappelle les basiques. Paris, ici, pas de drogue. No stupefiante. Franck Dubosc, Camping 3, une comédie de Fabien Teniente. Alors, on n'attend pas Patrick. Actuellement au cinéma. avec RTL. Et ton grand, il fait quoi maintenant? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. 17h38 et c'est l'heure de la bourse avec les échos et investir. On va y arriver. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Virginie. Ah, super nouvelle, le marché parisien garde le bon cap. Et oui, vous avez raison. Après deux jours d'un fort rebond, eh bien on a encore droit à une hausse aujourd'hui. Avec peut-être un peu moins de vigueur. Le CAC 40 gagne 1%, 4237 en ce dernier jour du premier semestre. Alors pour l'instant, l'indice affiche une baisse de 8,5% depuis le début de l'année. Après une chute de 6% au mois de juin, et oui, on n'a pas pu rattraper toute la baisse du Brexit. Alors, la Bourse de Paris est soutenue par Wall Street, où les boursiers continuent de profiter des soldes. Le Dow Jones a bondi de 1,7% hier à la clôture et il a encore ouvert sur un gain aujourd'hui et il gagne en ce moment 0,5%. Alors, les marchés espèrent également le soutien des banques centrales pour éviter les effets négatifs de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Selon les économistes, le Brexit ne devrait pourtant pas beaucoup peser sur la croissance en Europe et notamment sur la croissance française. En outre, aux États-Unis, on attend plus aucune hausse des taux cette année. Alors du côté des actions, ce sont les valeurs moyennes aujourd'hui qui prennent l'avantage. Par exemple, Trigano grimpe de 6,6% après un très bon trimestre. Edenred progresse de 5,3%. Alors, au CAC 40, eh bien, c'est Engie qui prend la tête du CAC avec un gain de 3,4%. À l'inverse, on a Sopra Steria qui cède 4,6% à cause de son exposition au Royaume-Uni et de même, Peugeot perd encore 2% en 5 séances. Le constructeur a perdu 24%. Très bonne soirée Virginie, à demain. Et à demain pour d'autres bonnes nouvelles quand même. J'espère. RTL, première radio de France. Connexion au grand studio RTL pour la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier. Une citation pour Chantal Bonnet, qui habite Castanet-Tolosan. Pardon, Bonnet, quel Bonnet? En Haute-Garonne. Je ne sais pas, je ne la vois pas Bonnet d'ici. C'est... Qui a dit, cher Laurent Baffie, un ami véritable, c'est celui qui vous poignarde par devant? Saskia Guitry. Non. Jean-François Copé? Jean-François Copé, non. Français mort. Nabila? Non plus. Ce n'est pas un Français. Brutus? Brutus, mort. Non. Mort, oui. En quelle année? Mort en 1900, il avait 46 ans. Oscar Wilde. Oscar Wilde, excellente réponse de Laurent Baffie. Une citation maintenant pour Pierre Van de Voorde qui Laurent, habite Laurent. Allemagne. Oui. 18. Comment ça 18? Qu'il est bête alors, quelle horreur. Non, non, bah non. Je suis pas de votre groupe. Si tu dis 19, t'es néo-nazi. Qui a dit... Non, oui. 69. Qui a dit il est difficile de dire quelque chose de positif sur le brocoli si ce n'est qu'il n'a pas d'arête? Des proches? Non. C'est étranger, ça. C'est un humoriste. Non, c'est français. C'est français. C'est français, mais c'est vrai que c'est un style très surréaliste, très particulier, qui correspond bien à la personnalité. Que... Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère, non. Il est mort? Quelqu'un qui n'est plus là. Est-ce que ce serait. Raymond DeVos? Raymond DeVos, non. Oh, non, c'est pas son genre, ça, Raymond non, DeVos. Non, je sais, mais je cherche, pardon. Moi. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Robert Alamoureux? Non, c'est plus récent. Ah, même. Pardon, excusez-moi. Une mouche m'a touché. Ah, bah, dis donc. On t'avait dit de mettre une culotte. Je crois qu'elle aussi a crié. C'est quelqu'un qui nous a quittés, hélas, en 1994. Il y a déjà longtemps, quand même, au fond. Hein, on Alex Métayer. On voit pas le temps passer. Ça fait presque plus de 20 ans. Maintenant même, ça fait plus de 20 ans. Ouais, compte ça fait 22 ans. Il est mort jeune. Ah, il est mort. Il avait 73 ans. Il avait bien vécu, hein, je dois dire. Et d'ailleurs, il a participé épisodiquement. Et c'était, je dois dire, quand j'étais auditeur de cette émission. Jean Carmé. Un régal. C'est Jean Carmé. Bonne réponse d'Isabelle Mergault. Il n'est pas mort il y a 22 ans. Eh oui, Jean Carmé. C'est incroyable. Jean Carmé est mort en 94. Oh là là. Ça fait déjà 22 ans. Une autre citation pour Thomas Lepalec, qui habite Rose-sur-Couesnon, qui a dit « J'ai vendu l'histoire de ma vie sentimentale à une maison d'édition. Ils vont en faire un jeu. » Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Laurent Baffie. Oh là là, il faut que j'élève le niveau là parce que c'est trop trop facile tout ça. Alors voici une question, citation pour Cécile Andriès qui habite Paris 12e. De qui Georges Clemenceau parlait quand il a dit En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. De son bateau ? Non. Un autre homme politique. Un autre homme politique qui venait de mourir, évidemment. Français ? Français, oui. En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Celui qui tombait du train tout le temps, là. Ah, vous pensez à Béchamel, je crois. Non, qui est tombé du train tout le temps. Béchamel. Il en est tombé une fois, il est mort. Béchamel est tombé, ouais. Et est-ce qu'il était vraiment abyssalement... C'est pas Deschanel, mais vous n'êtes pas très loin, je dois dire. Est-ce qu'il était... René Coty, non. C'est un président. Un président. Casimir Perrier ? Non. Mais il était un peu bête ? Doumergue ? Oh, un peu bête, non, on peut pas dire ça. Déroulède ? Déroulède, non. Gabriel Péri, non plus. Et pourquoi il disait dans son néant ? Parce qu'il était... Parce qu'il était méchant, il était caustique, Clémenceau. Oui. Ah oui, voilà, puis il devait pas trop l'aimer, celui-là. Puis surtout, il trouvait qu'il devait être con. Et effectivement. Ah bah voilà, c'est ça que je veux dire. En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Clémenceau a dit ça de... C'était la Troisième République ? Ah, c'était effectivement la Troisième République, oui. Est-ce qu'il a une avenue ? Oh oui, à Paris. Ouais. Des rues, en tout cas. Ah, des rues. Ah, bon. Des rues, mais minables. Ouais. Petit président, alors. Il est mort 4 ans après son élection. C'est pas Blum, non ? Et je dois dire qu'on a souvent parlé aux grosses têtes de sa disparition. Ah, parce qu'il est mort quand il s'est fait sucer à l'Élysée. Oui, c'est celui qui est mort. Et sa connaissance, oui. Je connais que lui. Et oui, il est mort en pleine action sexuelle. DSK, oui. Mais non, pas DSK. Non. On connaît que lui. On connaît que lui, Laurent, je vous l'accorde. On va le trouver. Effectivement. Desrosiers ? Pardon ? Desrosiers. Quand sa maîtresse est partie, alors qu'effectivement, elle l'a vu mourir dans ses bras, on a dit, ah, il a perdu sa connaissance. Oui, elle est partie par la porte de derrière. Bon, voilà. C'est très classique. Tout le monde a raconté ça pendant des années aux grosses têtes. Ça commence par quelle lettre ? Ah non, écoutez. En tout cas, il a les initiales du bonheur. Qui ? Du bonheur. TD. Comme vous voyez, Michel Morgan, Mireille Mathieu, Claudia Cardinal, Brigitte Bardot. Oui, c'est DD. Alors, vous nous en donnez une des deux ? Non, écoutez, franchement, c'est très facile. On se rappelle de sa mort. Oui, et ça veut dire qu'on se rappelle plus de l'anecdote que de son nom. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent raconté ce moment où... C'est la mort idéale, finalement. Voilà. C'est pas ZZ Top. Pas loin. Non, écoutez, on a raconté ça pendant des années. Pendant 100 ans chez Philippe Bouvard. Effectivement, la fameuse phrase « Il voulait être César, il ne fut que Pompée » a été racontée par les chansonniers de l'époque. Ah donc, non seulement il est mort comme ça, mais en plus Clémenceau a dit ça après sa mort. Clémenceau a dit ça après sa mort. Ah vraiment, il l'aimait pas. En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui et il a même ajouté « Ça ne fait pas un Français en moins, mais une place à prendre. » Oh mon Dieu, quelle haine. On connaît que lui, on a raconté ça. Mais oui, bien sûr qu'on connaît que lui. On n'y arrive pas, Laurent. Oui, ça y est. On est en fin de saison, on est mauvais. On est dans les F, CFF. Félix Faure. Bonne réponse de Caroline Diamant et Laurent Baffi. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Ma chérie, tu déménages ? Ben non, je prépare les affaires pour les vacances. Mais on va encore être chargés comme des bulles. Et les pneus vont jamais tenir. T'inquiète, tu vas chez Euromaster, ils font des super remises. Fonce mon cœur ! Et oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant les expertissimes Euromaster, jusqu'à 80€ offerts pour l'achat de pneus Michelin. Euromaster ! Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 31 août. Devis, achats et conditions sur Euromaster.fr. Cet été, redécouvrez les légendes du XXe siècle en musique et en bande dessinée. Johnny, Gainsbourg, Nina Simone, Elvis, B.B. King ou bien encore Bob Dylan, illustrés par les plus grands dessinateurs de BD. Une collection de 7 albums à découvrir dès maintenant chez votre marchand de journaux avec RTL. Carrefour. Dis maman, t'es au courant qu'en ce moment c'est la deuxième démarque chez Carrefour ? Ah bon, une deuxième démarque ? Mais c'est sur quoi ? Alors écoute-moi bien, on a jusqu'à 70% d'économies sur encore plus d'articles au rayon textile. Mais c'est super ça ! Allez viens, on va chez Carrefour toutes les deux. Tu vas pas en croire tes yeux. Les soldes continuent sur encore plus d'articles chez Carrefour. Profitez d'économies allant jusqu'à 70% sur le rayon textile. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. En ce moment, les affaires Bricoman, c'est du solide. Avec la colle standard 25 kg Weber pour pose de carrelage jusqu'à 45 par 45 cm sur support neuf, sol et mur intérieur. Coloris blanc ou gris à 40 centimes le kilo, soit 9,90€ le sac. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Offre valable du 1er juillet au 13 août 2016 dans les magasins dépôt. Plus d'infos sur bricoman.fr. RTL. Et dans les grosses têtes, c'est l'heure de la devinette. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Ça vous serait revenu plus vite à vous, Félix Faure ? Non. Non, ah ben c'est honnête de votre part, invité mystère. Les questions futures seront posées par mes camarades grosses têtes. Bon, on doit vous dire monsieur ou madame ? Monsieur. Donc c'est un homme ? Oui. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? De moins en moins. Invité mystère, est-ce que vous êtes né en France? Oui. Portez-vous des lunettes? Si oui, pourquoi? Non, pas des lunettes. Vous avez des cheveux? Beaucoup. Beaucoup? Oui, vous êtes très chevelu, c'est vrai. Ah. Oui. Ah, vous faites de la musique? Maladroitement. Les vieux clichés. Caroline Diamant pense que vous êtes Élie Chouraki. Ah, ben oui, oui. Pas à ce point-là. Ah, pas à ce point-là, d'accord. Est-ce que vous êtes, vous êtes intéressé par la musique? Question. Oui. Oui, d'ailleurs, tiens. Seulement intéressé. Oui, d'ailleurs, j'en ai quand même une preuve. C'est le premier indice musical que je vais vous donner. Sans le savoir, tu marches vers lui. Sans le vouloir, tu cours au ralenti. La chanson s'appelle « Tu le reconnaîtras ». Ça vous dit quelque chose, vous, invité mystère, évidemment. Oui, oui, j'ai fait partie de sa conception. Vous êtes compositeur? Vous êtes compositeur? Plutôt. Plutôt parolier. Laurent Baffy propose Max Boublil. Êtes-vous Max Boublil? Non, mais non. Je le connais. Mais vous le connaissez, vous le fréquentez même parfois. Isabelle Mergo propose Jean-Michel Jarre. Non, mais je le fréquente aussi. Quand vous dites chevelu, on est plus dans la frisure ou le cheveu lisse? Ouais. Le cheveu lisse. Le cheveu lisse avec des zones d'absence ou c'est bien réparti? Non, c'est très bien coiffé. Vous en avez que sur la tête ou vous avez de la barbe aussi un peu? Non, tête et pubis. D'accord. Vous avez déjà fait l'Eurovision? Non. Voici un deuxième indice musical. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma poupée, mon parapluie? Écoutez bien la voix, parce qu'attention, ça n'est pas Nino Ferrer qui chante, et c'est bien la voix de l'interprète qui compte. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Ouais, mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson. Est-ce que ça vous aide, chère grosse tête? Je pense qu'il ne s'agit pas d'un chanteur professionnel. Non, pas du tout même. C'est votre voix qu'on entend? Non, c'est pas sa voix. Non, et je pense que la voix qu'on entend n'est pas non plus un chanteur professionnel. Si. Laurent Baffy pense que vous êtes Pierre Richard. Êtes-vous Pierre Richard? Non. C'est la voix que j'ai cru reconnaître. Oui, mais vous savez que généralement, quand je vous passe une voix, c'est pas celle de l'invité mystère, Laurent Baffy. Oui, je le sais, généralement. Je suis tombé dans le piège, j'ai l'air d'un con, n'en rajoutez pas. En revanche, est-ce que ça peut nous aider, Pierre Richard? Ah, bah évidemment, c'est le but de l'indice même. D'accord. Mais j'avais pas reconnu Pierre Richard. Ok. Ah, moi non plus. Je crois que ça y est, je crois qu'on l'a reconnu, ça y est. Non, c'est bon. On a Pierre Richard. Okay. Le but d'un indice, c'est de vous faire avancer. Oui, mais oui, mais c'est pas con. Mais c'est pas bête. Ah, vous avez travaillé donc avec Pierre Richard? Oui. Laurent Baffy vous a d'ores et déjà identifié. Bravo, Laurent Baffy. C'est le premier. Vous êtes partie de la génération à Pierre Richard? Non. Vous êtes. Beaucoup plus jeune. Ah oui, plus vieux, ça paraît compliqué quand même. Et Isabelle Mergo vous a identifié elle aussi. Ah, c'est bien. Ils sont deux maintenant à savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes réalisateur? Non. Malheureusement. Que auteur? Comédien en plus. Oui, comédien en plus. Plutôt des comédies, hein? Oui. Vous passez à la télé des fois? De moins en moins, mais oui. Vous voulez un autre indice? Oui. Puisqu'effectivement, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Florian Gazan et Pierre Boubi cherchent encore. Ouais. Sur la campagne endormie, le silence et puis un cri. C'est rien. Un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, le ciel, le feu et l'ombre qui se glisse jusque moi sans bruit. C'est le titre de la chanson, évidemment, qui compte. Célèbre chanson de Barbara. Si vous connaissez le titre, ben vous avez même le prénom de notre invité mystère. Ça, c'est quand même un gros indice. Mais il faut connaître Barbara. Moi, je connais que l'Aigle Noir. Alors, ce n'est pas Régis Laspalès, comme le propose Caroline Diamant. C'est Göttingen, c'est pas un prénom. Hein. Vous n'êtes pas Jean-Loup Dabadie non plus. Bon, j'aimerais. Ah, c'est de cet acabit-là, alors. Ouais, dernier indice, avant que je demande évidemment à Isabelle Mergo et Laurent Baffy le nom de l'invité, puisque pour l'instant, seulement 2 grosses têtes sur 6 savent qui vous êtes. Attention, dernière tentative. Ma sœur a disparu, j'ai de la peine. Depuis c'est la dernière recrue de la scène. La dernière fois qu'on l'avait vue dans la semaine. C'est Jacqueline Maillan qui chante, je le dis pour les grosses têtes qui cherchent encore. Ça, ouais, ça peut aider évidemment ceux qui vont tout de suite comprendre pourquoi Jacqueline Maillan n'en toujours rien. Si. Ah, alors oui, Jacqueline Maillan, mais alors vos premiers, c'était tordu. Ah non, c'était pas tordu. Bravo Caroline Diamant, vous avez rejoint le camp des vainqueurs. Laurent Baffy, Isabelle Mergaux, Caroline, vous allez pouvoir narguer Gazan, Boubi et évidemment Fabrice Seboué. Moi, évidemment. Bah pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas trouvé. Évidemment. Évidemment, Fabrice Seboué, notre invité mystère, c'est Pierre Palmade, évidemment. J'étais loin. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin ? Je suis au top ! Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air ! Wow ! Et j'ai tout commandé sur oscaro.com ! On va déchirer sur la côte, Martin ! Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, bénéficiez de 15% de remise sur votre contrôle technique chez Sécuritest et Autosécurité. Voir conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien ! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Le jeudi 30 et vendredi 1er juillet, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. La pastèque sans pépins catégorie 1 est au prix imbattable de 99 centimes d'euros la pièce. Oui, vous avez bien entendu, seulement 99 centimes la pièce. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pastèque sans pépins catégorie 1 calibre 8, poids minimum 2 kg, origine Espagne. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 14h, l'heure du crime sur RTL. Suite et fin des grosses têtes de Laurent Ruquier pour aujourd'hui avec leur invité mystère qui est en train de les rejoindre. Le temps de vous donner la suite du programme sur RTL. À 18h, RTL Soir et toute l'info présentée par Marc-Olivier Fogiel. Et dans l'actualité, il y a entre autres le démarrage fulgurant du film Camping 3 dont le réalisateur Fabien Otomiente sera l'invité dans RTL Soir. Et puis Marc-Olivier recevra aussi l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt qui sera sur scène au Festival d'Avignon à partir de la semaine prochaine. Mais tout de suite, on vous retrouve Laurent Ruquier avec vos grosses têtes et votre invité. Pierre Palmade était bien notre invité mystère. Voilà, c'était que moi. Voilà. Il sera évidemment à l'Olympia et en tournée dans toute la France avec Michel Larocque ou Muriel Robin pour Ils s'aiment depuis 20 ans oui, avec un couple différent chaque soir. Parfois ce sera Larocque-Palmade, parfois ce sera Larocque-Robin, parfois ce sera Robin-Palmade. Trois solutions, hein, c'est bien ça, je n'en oupe. Bah, oui, à trois, il n'y a que... Voilà, c'est voilà. Probabilité, trois, hein. Sauf surprise. Mais il n'y aura pas Robin-Larocque à un moment donné, il n'y avait pas ça. Si, je l'ai dit, c'est ça. Ah, pardon. Ils vont s'essayer dans un couple de femmes. On sait pas, on n'a pas encore répété, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Oh, ça va être bien. Et il y aura un Larocque Robin Palmade pour les gens un peu ouverts d'esprit. Ah, on n'y est pas pensé. C'est quand à l'Olympia alors, Pierre Palmade? 10 jours à l'Olympia. En septembre. 3 jours par couple. Mais pendant l'été, vous pouvez, si vous êtes impatient d'aller au théâtre, courir vers le Splendide, applaudir cousin comme cochon. Ah, c'est gentil d'en parler. Ouais, de quoi s'agit-il? Bah, c'est ma troupe. Vous savez, j'ai une troupe de 30 comédiens et ils se sont lancés dans une comédie musicale. Alors, à la française, hein. Un pastiche de vaudeville, ils ont écrit eux-mêmes, composé, écrit, ils la jouent. C'est Nicolas Lombreras qui a écrit tout ça. Ils sont 6 de ma troupe au Splendide à jouer cette comédie musicale qui a beaucoup marché. Et ça va marcher tout l'été? Là, ça va marcher jusqu'en fin août. Tout jusqu'à fait. Fin août, donc pendant tout l'été. Et ça chante bien, c'est drôle, c'est un pastiche, ça se prend pas au sérieux et en même temps, c'est talentueux. Voilà, c'est il faut l'été. Réserver quel jour pour qu'il y ait Muriel Robin. Le Splendide, cousin comme cochon, et à la rentrée, l'Olympia et des dates un peu partout en France pour, j'allais dire, le couple. Le trio Robin, Larocque, Palmade, ils s'aiment depuis 20 ans, même s'il n'y en aura que deux, ah, évidemment, sur bouffer, scène. À chaque fois. Ah, oui. Alors, écoutez, Isabelle Mergaux a trouvé assez rapidement, mais il faut quand même le dire, le premier, c'est Laurent Baffy. Grâce à quoi, Laurent? Pierre Richard. Grâce à Pierre Richard, évidemment, puisqu'il y avait eu Pierre et Fils au théâtre, vous avez joué. C'est avec... Isabelle qui avait trouvé le titre, Pierre et Fils. Tu te souviens? On était en train de jouer ensemble, et je lui ai dit, oh là là, il me faut un titre pour Pierre Richard et moi. Elle me dit, bah, Pierre et Fils. Cousin comme cousin comme cochon, c'est Caroline. Et Pierre Palmade, c'est moi qui ai trouvé. On a entendu Jacqueline Maillan qui chantait Sous le pont de l'Alma, en référence évidemment aussi à la pièce que vous aviez écrite pour Jacqueline Maillan, j'allais dire Muriel Robin, vous voyez comme quoi, Jacqueline Maillan. Et alors la première chanson, quand même, faut la rappeler, la première chanson. C'est Quentin Mossiman. C'est Quentin Mossiman qui chantait un texte écrit par Pierre Palmade. Voilà, un jour il m'a dit écris-moi une chanson, et puis voilà, on a déliré un soir et on a fait ça. Quant à la chanson de Barbara, elle s'appelle tout simplement Pierre. Vous la connaissiez, belle, cette chanson? Ah oui. Pierre Palmade au théâtre avec, enfin au théâtre. Oui, on peut appeler ça du théâtre quand même. C'est du théâtre. Enfin, oui. Ah bah oui. On joue la comédie. Enfin, merde. Et alors, qui commence? Ça, c'est intéressant. C'est vous qui commencez avec Michel Larocque. Vous Je commencez. Pense qu'on avec... commence classiquement voilà. À trois. On fait le pèlerinage. C'est le nom de. Mais trois, c'est la vie de Michel Larocque. Ah oui, plus c'est sa vie. Vous envoyez tôt, Laurent. Vous commencez à trois. Alors là, il y aura aussi François Barrois. Oui, avec Noël Robin, le soir. Oh là là. Le bordel. À Troyes, puis ensuite Paris, l'Olympia, Paris, Paris, Paris, Paris, Amnéville, Nancy, Strasbourg, écoutez, toutes les grandes villes de France. Donc les gens ont compris que quand Muriel joue avec Michel, elle joue ce qui était mon rôle, et quand Muriel joue avec moi, elle joue ce qui était le rôle de Michel. Mais pourquoi? Le texte est le même? Ah bah oui. Pourquoi? Parce que Muriel sait faire et le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Fabrice, vous vouliez savoir? Non, je veux savoir si le texte est le même à chaque fois. Bah oui, a priori il est le même, et là on est en train de voir en répétition s'il y a à droite, à gauche, des trucs à des petits articles à bidouiller. On a deux mois pour voilà, des petits articles, clair, articles, c'est sûr. À droite, à gauche, ça c'est au théâtre des variétés à la rentrée. Oui, les gens bah, vont s'y les gens vont s'y perdre. Là, vous avez fait une promo à chier, là. C'est complètement embrouillé. Moi, je trouve qu'il faut. Non, c'est tout très clair. C'est très clair. C'est très clair. Mais oui, il y a déjà eu trois spectacles de ce couple. Maintenant, il y a Muriel Robin qui se rajoute et qui fera en couple soit la femme, soit l'homme. C'est facile. Non, mais retenez beaucoup, surtout que ça nous fait délirer de faire ça, quoi. De tourner. Et que plus d'un million de spectateurs ont déjà vu, évidemment, le couple Larocque-Palmade, et ils auront envie de voir ce que ça va donner forcément avec Muriel Robin à l'Olympia à la rentrée. Merci Pierre Palmade. Merci. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. RTL. Il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, nanar au tapis. Sale journée pour Bernard Tapie. L'arbitrage qui lui avait accordé 400 millions d'euros est bien annulé. Décision de la Cour de cassation aujourd'hui qui confirme donc la décision de février 2015 de la Cour d'appel. Bernard Tapie doit bien rembourser ce qu'il a touché dans son conflit avec le Crédit Lyonnais. Alors dans RTL Soir, on va se demander si c'est vraiment la fin de ce feuilleton. Feuilleton de 20 ans. On verra si l'homme d'affaires est vraiment ruiné. Vous entendrez son avocat, mais également l'ancien patron du Crédit Lyonnais, Jean Perlevade, son ennemi juré. Le 18h, Julien Cellier. RTL Soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres de l'actualité. Les paroles d'amour de Jean-Paul Salvin. Il y a 2 semaines, son fils et sa belle-fille, tous 2 policiers, étaient assassinés par un fanatique de Daesh. Ce soir, il sort de son silence sur RTL et lance un message de paix, un document poignant. Le cardinal Barbarin donne des gages de bonne volonté. Il relève 4 prêtres de leur ministère pour des faits d'abus sexuels. Le duel Manuel Valls-Pierre Gattaz, rencontre explosive loin des micros à Matignon cet après-midi. Marseille, capitale du Portugal, marée rouge et verte sur le vieux port avant le quart de finale face à la Pologne ce soir. La bourse de Paris, elle termine en hausse, plus 1% à 4237 points. Les courses à Vichy, il fallait jouer le 13, le 7, le 4, le 16 et le 9. À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, l'encadrement des loyers étendu à la banlieue parisienne. Alors on fait le bilan, est-ce que ce dispositif a fonctionné à Paris? Dans la foulée du jamais vu depuis les Ch'tis, Camping 3 signe le meilleur démarrage d'un film français depuis 8 ans. Fabien Otteniente, son réalisateur, premier invité d'RTL Soir. Puis direction les coulisses de l'actualité et pas de camping en juillet, s'en suivent le Tour de France. Ça tombe bien, on vous emmène en coulisses du grand départ au Mont-Saint-Michel. 18h30 Alain Duhamel et ce soir François Hollande en costume de candidat. 18h35, son été à lui ne sera pas de tout repos. Sur scène à partir de la semaine prochaine au Festival d'Avignon, à la télé pour commenter les JO de Rio en août. L'un des écrivains préférés des Français, Éric Emmanuel Schmitt, passe par RTL tout à l'heure, 18h50. 19h50, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Et même tendance pour demain, des nuages dans le nord et du soleil dans le sud. Oui, un contraste toujours très marqué entre le nord et le sud, avec un temps très nuageux, quelques averses en partant des côtes de la Manche et un temps de plus en plus ensoleillé en descendant vers la Méditerranée, avec un ciel qui deviendra un petit peu plus nuageux quand même dans l'après-midi dans la partie sud, avec quelques averses à caractère orageux mais uniquement sur le relief, les températures de 12 à 21 degrés demain matin. La même chose pour demain après-midi, de la fraîcheur du côté de la Manche et de la chaleur estivale dans le sud, 17 à Cherbourg et 33 degrés pour le maximum à Nîmes. Merci Patricia. RTL Soir. Et pour démarrer ce journal, Julien, un message de paix et d'amour, témoignage très fort du père de Jean-Baptiste Salvin sur RTL ce soir. Il sort de son silence. Il y a deux semaines, son fils et sa belle-fille, tous deux policiers, étaient assassinés par Larossi Abdallah à Magnanville, dans les Yvelines, sous les yeux de leur enfant âgé de 3 ans. Un double meurtre revendiqué par Daesh. Depuis, les familles des victimes ont reçu 70 000 lettres de condoléances. Ce soir, Jean-Paul Salvin, impressionnant de dignité, tient à remercier les Français. C'est un document RTL. Je crois que quand on vit des choses aussi terribles, il n'y a pas plus terrible en plus, hein, de vivre la mort de son enfant, surtout dans les conditions où ça a été fait. S'il n'y a pas un sens, si on n'en tire pas une conclusion, s'il n'y a pas, c'est à devenir fou, quoi. C'est incompréhensible. Alors, on essaie de pouvoir faire en sorte que ce sacrifice-là au moins serve à quelque chose. Il ne soit pas mort pour rien. Le message, c'est que il faut que chacun d'entre nous puisse comprendre que si le monde va mal, eh bien c'est à nous de l'améliorer et qu'il faut remplacer la violence par la paix, la haine par l'amour, l'égoïsme par la solidarité. Et... Vous vous rendez compte de la force de votre message? Est-ce que ça veut dire que vous avez réussi à aller au-delà de la haine pour le tueur de votre fils? C'est une question difficile à laquelle, si je vous dis oui, je vais peut-être paraître prétentieux, mais bon, on essaie en tout cas. Pour nous, c'est la seule voie. Document RTL, donc Jean-Paul Salvin, le père de Jean-Baptiste au micro, RTL, donc de Cindy Hubert. Un complice de Salah Abdeslam transféré en France, Hamza Atou avait exfiltré le terroriste après les attentats du 13 novembre. La Belgique l'a remis aujourd'hui à Paris. Ce jeune homme de 22 ans est désormais mis en examen et écroué. Maintenant, il va falloir rendre l'argent. Bernard Tapie doit rembourser plus de 400 millions d'euros, Julien. Un pactole obtenu en 2008 lors de l'arbitrage de son conflit avec le Crédit Lyonnais, conflit sur la revente d'Adidas. Seulement voilà, cet arbitrage est entaché de fraude.